Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. Aujourd'hui à Assemblage requis. On demandera à Sébastien Gartin de nous convaincre que tout va bien aller dans son bulletin Gartin. Et au pire, Gabriel Méhoud sera là pour nous donner un piqué bobo dans les coulisses de la lutte. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 9 novembre 2016. On est à 169 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017 et je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Bourdin. Tania, t'es revenue pour ça? Oui, exactement. Je me suis dit, quelle bonne raison de revenir à l'antenne ce matin. Excellent timing. Une chance que t'es là ce matin. On va s'amuser après cette... Cette élection qui fait si mal. Ce dur réveil, je pense. Je pense que oui, hein? Je me demande si Sébastien Viertin s'est couché tellement tard qu'il a oublié de se mettre un cadran le matin. Ouh! Parce qu'il est déjà 10 minutes en retard. On va voir. On l'attend. Donc, c'est le plan d'aujourd'hui. Parlons-en un petit peu. Il devrait être avec nous en quelques instants pour sa chronique du bulletin Viertin. Sinon, à 8h30, Gabriel Béaud va être là pour dans les coulisses de la Luitre. On a aussi ta chronique qui s'en vient, Tania's God Entertainment. Toi qui avais préparé quelque chose de si grandiose qui est pas pâle par comparaison avec hier. Complètement, parce que vous voyez, j'étais absente hier, comme la plupart le savent. Et puis, j'avais décidé de parler de certains secrets, en fait, que contient Walt Disney. J'avais décidé de vous parler de Walt Disney. Mais oui, mais c'est mais le côté de fun. Mais comme c'est un état que Donald Trump a gagné hier aux élections, mais pourquoi pas la refaire un matin? C'est une bonne idée. C'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. On a aussi des gadgets à s'acheter pour, comment dire... soulager nos émotions à 9h. Oui, ça existe, mais ça devrait pas là. Donc, on va avoir du fun quand même ce matin, même si la fin du monde est proche. J'ai vraiment l'impression que comme personne s'est rendu compte que c'est la fin du monde. C'est parce que les médias nous ont tellement dit que c'était impossible. Pour vrai, comment faire confiance aux médias dorénavant? J'écoute MSNBC sans cesse. CNN le disait aussi que c'était impossible que ça arrive. Puis, soudainement, ça arrive. Facebook est rempli de commentaires tout à fait pertinents, les uns plus que les autres. Tu sais qu'on pourrait essayer d'en trouver quelques-uns. Ah ben oui, clairement. Moi, ce matin, Mathieu, j'ai vu... rappelez-vous, c'était le 9 du 11. Oui. C'est maintenant le 11 du 9. C'est très intelligent, j'aime vraiment ça. Ouais. J'ai un commentaire ici, tiens, je vais lire les noms, même si c'est des gens qu'on connaît pas nécessairement, Pascal Pau qui dit « Les gens misogynes et racistes doivent être heureux aujourd'hui. Retour des usines de charbon et le Obamacare porté à disparaître. Vraiment pas sûr que c'est évolué dans le bon chemin, ça sent l'assassinat présidentiel. » Non, mon Dieu. Oh boy. Quelqu'un d'autre qui dit « Franchement, j'ai eu l'alarme à l'œil quand j'ai vu ça, c'est dégueulasse. Moi, je les aime, les autres nationalités. » Ah, OK, ça c'est cool. Ben oui. J'aime Doc Mayou aussi. T'as-tu vu Doc Mayou qui a dit qu'il encourageait Trump parce qu'il parlait des Shintok? Imagine, en 2016, utiliser le terme Shintok. Ah, ben oui, c'est l'équivalent de nègre pour les Asiatiques. Exactement. C'est vraiment... Doc Mayou, superbe. Notre ennemi à partir de 9h30, je pense. Oui, je pense que oui. Au moins, on n'est pas dans le même casera. Au moins. Au moins, quand même, on ne voudrait pas... Il y a bien sûr le site Internet de l'immigration qui a crashé pendant la nuit ici au Canada. Ouais. Donc, les gens, les Américains, cherchent à savoir comment s'en venir ici. Tout à fait. Adrian qui dit « Je continuerai de croire que si c'était un homme qui s'était présenté contre Trump, avec les connaissances et les capacités d'Hillary, il l'aurait remporté haut la main. Les États-Unis préfèrent élire un misogyne plutôt qu'une femme. L'autre dit, c'est Simon-Olivier Fecteau qui dit « Tu sais, quand tu te lèves le lendemain d'une brosse, tu redeviens sobre et tu te rappelles peu à peu les choses stupides que tu as faites la veille. Ce matin, les Américains se réveillent d'une buverie d'un an et demi. Ils ont été saoulés par les médias qui refusent de voir la réalité et par les sondages qui ont minimisé gravement la tendance du pays. » Ah, c'est vrai. C'est beau, ça. Stéphanie Frédéric Bélanger poste sur Facebook ce matin. Donald Trump, c'est comme l'idée parfaite que tu devrais appliquer pour un travail, même si tu n'as pas les capacités requises. Oui. Attends un peu. Est-ce que j'en ai d'autres ici? Un petit peu? Non? Ah, il y a plein de pubs. Non, ça, c'est des nouvelles. On veut pas savoir ça. J'en avais plein de bonnes tantôt. Il a fallu que j'ai note. Soirée triste. L'humoriste Jay Du Temple, je ne sais pas si tu connais Jay Du Temple, Mathieu. Il a fait beaucoup de commentaires hier durant la soirée électorale, mais celui que j'ai préféré, c'est. Je ne sais pas si je vais être capable de le retrouver en si peu de temps, mais c'est celui qui dit que l'élection où Donald Trump deviendrait président des États-Unis, c'est pire que celui où la madame habillée en rose dans Harry Potter devient présidente de l'école de Poudlard. Alain va de mon cœur qui dit si Trump gagne, on s'entend que c'est la fin de l'industrie du sondage et de l'opinion politique. Je suis tellement d'accord avec lui, parce que pour vrai, tous les sondages avaient tort. Pareil comme les sondages sur Brexit, il y a quelques mois de ça, je veux dire, je pense qu'on ne peut plus s'y fier. Félix Amiot, en direct de l'Europe, qui dit « Welcome to the divided states of America ». J'aime ça. Oui. Fort. En effet. C'est fou à quel point ça va devenir divisé, là. Ah, absolument. Attends un peu, je vais... la morale de l'histoire pour un politicien, c'est que pour être élu, il faut proposer aux électeurs du changement en 2008 comme en 2016. Quel genre de changement? C'est pas important, autant que ce soit pas le statu quo. Mm-hmm. Et évidemment, t'as des commentaires un petit peu, pas super informés. Je vais en lire un sans dire c'est qui, parce que ça se rapproche un peu. qui dit avoir envie de vomir et avoir les testicules qui rentrent par en dedans. Oui. Les États-Unis méritent ce qu'ils ont choisi, et je m'excuse, mais les Latinos et surtout les femmes ne se tiennent pas du tout au syndrome de Stockholm. Hey boy, as-tu regardé les chiffres? Pas sûr que c'est ça la raison. Eh boy. En tout cas. Bref, on pense qu'on en veut, hein? Il y a la presse qui dit ce matin s'il y a un effondrement, c'est celui de l'influence des médias, oui. Au sens où l'élite éduquée l'entend, ceux qui faisaient ou défaisaient des politiciens, qui mettaient de l'avant les enjeux, qui exposaient les thèses et les antithèses selon des codes apparemment immuables. Tout ça qui a été au cœur de la démocratie américaine depuis un siècle et demi, tout ça est en train de s'effondrer. Et ça, c'est Yves Boisvert dans la Presse Plus. Wow! Ouais. Ça va pas bien, matin. Ça va vraiment pas bien. On a assez lu. Ouais. On va commencer avec autre chose, finalement, parce que pour l'instant, on dirait que Sébastien Viguertin est en train de se réveiller de son de sa nuit difficilement... De sa vie électorale. De sa vie électorale, exactement. Donc, on a commencé tantôt avec nos cinq étapes du deuil. Oui. À l'émission, on a commencé avec... évidemment, on l'a vécu avant l'élection, le déni et l'isolation. Mm-hmm. On a vécu la... Le fait d'être fâché avec R.E.M. et It's the End of the World as We Know It. On continue avec juste pour le fun. Bargaining. Mm-hmm. On va accepter peut-être éventuellement le fait qu'il y a quelque chose change. Mais pour l'instant, on écoute David Bowie avec Changes. Ah, ça va jouer. Waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. It's gonna have to be a different man. Now I may change me, but I can't trace. Ripples change the size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultation. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to grow up and out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to our necks a bit. Time may change me, but you can't twist time. Strange. David Bowie, Changes. Ah, ça va jouer. Ah, malheureusement, notre ami Sébastien Viguertin n'est pas encore arrivé parmi nous. On croit qu'il a peut-être abusé d'alcool hier, regardant les élections. Probablement. Ce qui ferait un petit peu comme tout le monde, oui. En fait, parce que tout le monde semble avoir pris une grosse brosse. Est-ce que tu as vu le statut de David Ferron? Oui. Est-ce que c'est le proche? Je sais pas si j'ai les proches à trouve-le pendant que je dis que la page Pokémon Go a posté choses qui sont mortes en 2016, Harambe, Pokémon Go, les États-Unis. Non, mon Dieu, oui. Ça, c'est clair, clair, clair. J'ai aussi le clan Panton qui offre des rabais de, je crois que c'est 10% pour les Américains qui veulent déménager au Canada. Tout à fait. Malheureusement, je ne retrouve pas le commentaire de David Ferron, mais non, si je me souviens toi. Bien... Attends un peu, je vais l'avoir, je suis sûr. Si tu me donnes 3 secondes, je vais l'avoir. Non, il l'a-tu effacé? Je pense qu'il l'a effacé. Ben voyons donc! Ah, c'est que les gens devaient se demander si c'était vrai. Rappelle-nous... En fait, David Ferron disait qu'il avait une bouteille de vodka dans le corps, une bouteille de pinot, un 12-pack de bière. C'était tout comme, ouais, en fait, en se levant ce matin. Exactement. Mais bon, je peux comprendre que les gens pensaient que c'était un suicide ou quelque chose. Malaise. Mais quand même, étant donné qu'on n'a pas Sébastien, on, à la place de commencer à faire quelque chose, une chronique, et le voir arriver ou peu importe, on se dit qu'on va continuer dans nos 5 phases ou étapes du deuil. Oui. Sur les travaux d'Elizabeth Kubler-Ross. On a fait le déni tantôt, on a fait la colère. La colère au début de l'émission, on a fait l'expression juste là. Et là, la dépression est représentée par un de tes choix musicaux aujourd'hui. Tout à fait. En fait, Mathieu, ce matin, tu m'as demandé de faire une petite recherche assez simple et rapide sur une chanson dépressive. Alors, j'ai moi-même décidé de taper sur Internet « The most depressing songs ever ». Et j'ai trouvé « Mad World » de Gary Jules. On écoute ça à son lâche. De Gary Jules pour nous compenser un petit peu de cette élection présidentielle. Tellement difficile. Ouais. Je pense que la température change aussi en temps réel. OK, oui. Derrière nous pour annoncer la fin du monde. Bref, c'était la prochaine étape des cinq phases du deuil. Après le déni, la colère, l'expression, on a fait la dépression. Il va nous rester l'acceptation et peut-être après ça... l'excitation par rapport au futur, on va ça, voir. Je pense que ça va prendre... Tu sais, il est là pendant 4 ans. Hein? Oui, 4 ans minimum. C'est ça. Hey, pis... qu'est-ce qu'il peut faire en 4 ans? Ah, le nombre de choses. On va ça même va pas être terrible. Ouais. Bref, toujours à Assemblage requis. Dans quelques instants, ce sera Tania is gonna entertain ya. Mm-hmm. Mais avant ça, on prend une petite pause. Bien méritée. Bonjour à Assemblage requis en ce mercredi fatidique du 9 novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Oui, Mathieu Plan. Avant de passer à Tania Esgolin-Tétainia, on a la confirmation que Sébastien Viertin ne sera pas là, là. On attend encore de savoir s'il va venir la semaine prochaine ou plus tard dans l'émission. On vous tient au courant. Avant ça, on était dans les cinq étapes du deuil tantôt. On va les compléter maintenant. Après le déni, la colère, l'expression et la dépression, je pense qu'on devrait accepter ce qui arrive. C'est pas facile, mais on va devoir le faire. C'est très difficile. Ouais. On faut se dire que tout va bien aller, tu sais. T'as le choix. Fait que voici Just Fine de Michael Corley. I'm never that far, no matter where you are. Believe it, we can make it come true. We'll do it our way, no matter what they say. Cause no one's gonna do it for you. Ooh, ooh, yeah, but I'll never say never. As long as we keep it together. Tout va bien aller, Michael Corcoran est Just Fine à Assemblage requis. Oui, c'est la chanson thème de Sam & Cat, la sitcom. Mm-hmm. Oui, c'est comme ça. C'est, ben oui. Moi, ça me rend heureux. Faut, on a besoin de ça des fois dans la vie pour avoir la bonne humeur après les événements. Hein. Choix. Justement, question de se laver un peu les oreilles, se laver les yeux, se laver un peu tous les orifices qui ont pu être souillés avec hier soir. Ouais. C'est le moment de faire Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna be c'est la première fois de la semaine. Je sais. Les mercredis. Deux heures. Ah, celui-là, ça se parle avec la chanson. C'est ça. Suis-moi. Tania Baudin. Oui. T'es de retour. Oui, c'est de bien ton, moi. De ton congé d'hier et de ta soirée, j'imagine, qui était passée probablement comme la plupart des gens à déprimer un peu. Oui, en effet. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on avait nos éclairs et tout ça derrière. Mais là, t'es là pour nous ramener le bonheur. Oui, en fait, je vous fais voyager un petit peu. Ne vous inquiétez pas, je vous amène aux États-Unis, mais au merveilleux monde de Walt Disney. Ah! Ok, oui. Parce qu'en fait, je suis tombée sur quelques articles cette semaine, quelques chroniques qui m'ont beaucoup fait rire et surtout qui m'ont fait poser quelques questions par rapport à justement Walt Disney. Alors, j'ai décidé de vous les présenter. Tout d'abord, pour toutes les jeunes filles qui ont déjà rêvé d'être une princesse à Walt Disney, là, qu'est-ce que ça prend pour travailler comme une princesse à Walt Disney? Eh bien, je vous présente ça ce matin, c'est très, très simple. En théorie, vous devez mesurer en moyenne entre 5 pieds 4 et 5 pieds 7 pour être une princesse. Sauf pour certaines princesses, comme par exemple la fée Clochette, où ce sont encore des petites demoiselles qui sont requises, donc entre 4 pieds 10 et 5 pieds 2. Si vous savez ça, si vous faites entre 5 pieds 4 et 5 pieds 7, vous avez déjà un bon point sur votre curriculum vitae pour rentrer comme princesse chez Walt Disney. Il y a sûrement des chirurgies pour ça. Probablement. Par la suite, tu dois apprendre ta routine de maquillage pour être comme la vraie princesse. Donc, Disney va te fournir le maquillage. T'es une espèce de petite chanceuse. Non. Et c'est du donnant-donnant. Par exemple, ton maquillage doit être réalisé à la perfection pour que toutes les blanches-neiges du site se ressemblent. Donc, tu dois absolument faire attention à comment est-ce que tu vas te maquiller quand tu vas arriver au travail. Tu dois probablement aussi devoir te maquiller avec les autres blanches-neiges en même temps pour s'assurer justement que votre maquillage se ressemble à tous. Je sais pas si quelqu'un a ce fantasme-là d'avoir plusieurs blanches-neiges autour de lui. Ou elle. Je sais pas, probablement. Hein? J'ai jamais vraiment pensé. Tu dois maîtriser à la perfection aussi la signature de la princesse. Ah oui? Oui, oui, oui. Où est-ce que tu signes ton nom? Voyons. C'est pas des blagues. Ben, en fait, tu signes beaucoup d'autographes. Autographes, ben oui. Exactement. Ouais. Donc, ta calligraphie doit être délicate et délicieuse en même temps. C'est ce qu'on dit dans l'article. Et il faut aussi, bien évidemment, qu'elle soit pareille à celle qui va aller te remplacer tout à l'heure. Donc, il faut absolument que vous ayez la même signature d'autographe pour devenir une princesse à Disney. Par la suite, tu dois pas avoir plus de 30 ans. Oublie ça si ou d'apparence de moins de 30 ans. Ou d'apparence de moins de 30 ans. C'est en fait, oublie ça si t'approches la trentaine parce que les princesses ont généralement entre 18 et 23 ans. Mm-hmm. Et il y a quelques chanceuses au-dessus de ça qui ont 27 ans, mais c'est très, très rare qu'on va se rendre au-dessus de 27 ans pour les princesses qui sont à Walt Disney. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui vient d'ici de Trois-Rivières, qui est allé faire quelques temps dans un parc d'attractions de Walt Disney, justement du côté de la Floride. Et on me disait que c'est des heures et des heures de travail. On pense que c'est le fun aller travailler à Walt Disney parce que, bien évidemment, t'as Mickey, t'as Minnie, puis tout ça. Sauf que c'est approximativement 10 à 12 heures de shift par jour à tous les jours. Ben voyons. Vous avez maximum un journée de congé. Donc, c'est soit 6 jours de travail ou 7 jours de travail complet. Donc, ça peut être difficile pour certaines personnes, mais bon. Pour devenir une princesse par la suite, vous devez savoir toutes les répliques du film par cœur. Donc, que ce soit Blanche-Neige, que ce soit, La Belle au bois dormant, que ce soit, comment il s'appelle, Belle. Parce que les enfants, j'imagine, vont vouloir que tu leur cites des bouts, qu'ils vont donner une phrase, il va falloir que tu répondes pareil comme le personnage dans le film. Exactement. Donc, tu dois extrêmement bien jouer ton rôle. C'est essentiel, bien évidemment. Mm-hmm. C'est comme faire du théâtre. Par la suite, tu dois savoir les paroles et la voix du personnage très, très bien. Alors, si tu y vas pour le côté anglophone, bien évidemment, tu vas devoir essayer d'avoir la même voix que le personnage dans le film pour voir le bonheur justement dans les yeux des enfants lorsqu'ils vont venir te parler. Imagine vivre avec cette personne-là tout le temps. Ça doit être tellement difficile. C'est pénible, ça. C'est sûr. Pénible. Hey, dédoublement. Dans l'auto, ouais, c'est ça. Dans l'auto, genre, elle écoute tout le temps les films en c'est rafale. C'est ça, pis, exactement. À la maison, elle fait des voix tout le temps, elle te parle tout le temps comme ça. C'est sûr. C'est un drôle de fantasme. Ouais. Tu dois aussi avoir un sens de la répartie extrême. C'est-à-dire que pour improviser une réponse quand une petite fille va te serrer dans ses bras ou te demande si elle a complètement senti ta poitrine, parce que t'es pas nécessairement censé avoir une poitrine. Non. Alors, si elle l'a senti ou quoi que ce soit, ça te prend beaucoup de répartie pour justement agir aux alentours de certains enfants lorsque tu es une princesse de Disney. Par la suite, tu dois faire preuve de patience et en tabarouette parce que faut que t'enfiles ta robe et tous tes accessoires en environ une heure. Tu as approximativement une heure pour tout préparer, donc maquillage, robe, accessoires, prendre des photos et faire des sourires et shaker la face. C'est plus de 8 heures par jour. Mmh. Donc, c'est entre, comme je disais, 10 à 12 heures par jour. C'est sûr qu'il y a un certain relais, tout dépendamment où tu te trouves dans le parc d'attractions en tant que princesse, mais c'est quand même des très longs shifts. Alors, si t'es pas du genre à vouloir rester debout, à sourire tout le temps, puis à envoyer la main, c'est peut-être pas la job rêvée pour toi, madame. Ça va être super redondant. Exactement. Super redondant, ouais. Tu dois passer 53 295 auditions pour faire partie de la clique Walt Disney. On explique, en fait, c'est qu'une première audition pour voir si t'es fait pour être Cendrillon. Une deuxième où on évalue ta danse. Une troisième aussi pour on t'écoute jouer ton rôle. Et finalement, une entrevue. Donc, tu dois nécessairement répondre à tous les critères précédents dans chaque entrevue. Faut que ce soit la perle rare. Ils vont le voir tout de suite. Ah, exactement. C'est celle-là qu'on veut. Ouais. C'est assez, assez demandant, merci. Mmh. Et par bonus, eh bien, si t'es engagé, si tu réussis à devenir une princesse, oublie ton téléphone cellulaire. T'as pas le droit de prendre des selfies pour embellir ton Instagram. T'as pas le droit de te présenter sur des médias sociaux en tant que princesse officielle de Walt Disney. C'est refusé. Alors, le monde des médias sociaux, si tu deviens une princesse à Walt Disney, tu dois absolument oublier ça. Ouais. C'est triste. Ben, tristesse. Moi, je trouve vraiment pas ça triste parce qu'en tant que princesse, je trouve ça super narcissique de vouloir faire ça. D'accord. Mais bon, c'est chacun son genre. Ben, c'est pas tous les jours qu'on peut devenir une princesse de Walt Disney à la perfection. Ouais, mais ça veut pas dire que tu dois t'en vanter puis être genre « Ah, tu sais comment je suis cool! » Je suis pas ce genre-là, j'aime pas ça. Mais tu sais, ton premier jour de travail, tu pourrais prendre comme une photo pour faire comme « Ouh, first day of work at Walt Disney! » Ben, c'est... t'apprends pour toi, ça doit être correct. Oui, mais je sais pas. Il y a aussi des secrets sur les parcs d'attractions de Walt Disney. Pour certains, on le sait pas encore, mais il y a plein de messages et de dessins qui sont cachés à Walt Disney. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, par exemple, des hiéroglyphes ou des visages de Mickey Mouse, de Donald Duck, C-3PO, R2-D2, qui sont cachés un petit peu partout dans tous les centres d'attractions. Donc, que ce soit, par exemple, dans le coin Indiana Jones, bien, vous allez retrouver encore une fois, c'est pas tout à fait voyable, mais c'est là. Vous allez voir justement ces espèces de hiéroglyphes en forme de Mickey Mouse, en forme de Donald Duck, mais c'est très, très, très subtil. Donc, c'est vraiment... je sais pas pourquoi c'est là. On sait pas pourquoi c'est là, mais... C'est un petit fun, un petit plaisir de plus. Tu découvres quelque chose, t'as l'impression d'être un insider, un peu comme des Easter eggs dans les jeux vidéo ou les films. Peut-être. C'est dissimulé, en fait, dans les décors, tout simplement pour agrémenter. Il y a un arbre de vie dans le royaume des animaux à Walt Disney, un très grand arbre, je pense, si je me souviens bien, ça vient du Roi Lion, qui est construit sur une ancienne plateforme pétrolière. Ah. Donc, pourquoi est-ce que ça a été fait sur une ancienne plateforme pétrolière? Bien, c'est les ingénieurs qui ont choisi la structure de cette plateforme-là parce que c'est résistant aux ouragans et les ouragans ont été connus pour frapper justement la Floride. Alors, si vous allez visiter le centre d'attraction de Walt Disney aux États-Unis et que vous voyez ce fameux gros arbre-là, eh bien, sachez qu'en dessous, c'est une plateforme pétrolière. Mmh. C'est quand même cool. Est-ce que tu savais que même les odeurs dans les parcs Walt Disney sont contrôlées par des machines spéciales? Ah, cool! Tout est contrôlé à Walt Disney. Ça fait plusieurs fois qu'on l'entend. On sait qu'il n'y a pas grand-chose qui est laissé à la légère du côté de Walt Disney, mais même les odeurs. Donc, on possède des machines qui sont conçues pour émettre une odeur qui est en harmonie avec la zone dans laquelle vous allez vous retrouver. Donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la zone Indiana Jones ou je parlais encore aussi de la zone des princes. Princesse, par exemple, bien vous allez avoir une espèce d'odeur qui va vous faire sentir en harmonie avec ce domaine-là. Donc, par exemple, pour la partie des Pirates des Caraïbes, eh bien, c'est une odeur d'air marin salé qui a été émise un petit peu partout, que ce soit dans des bateaux ou que ce soit dans les arbres. Il va retrouver les petites machines, tu sais, un petit peu comme un... un glade. Oui, exactement. C'est un petit peu en fait comme un glade, mais à l'intérieur des décors de Walt Disney. Alors, pour la maison hantée, par exemple, il va s'agir d'une odeur de terre, une odeur un petit peu plus dégueulasse. Ouais. Et c'est comme ça que vous allez vraiment ressentir tout ce que vous devez ressentir dans chaque domaine de Walt Star Disney. Star Wars, c'est quoi? L'espace? Je sais pas. Mmh. L'huile à robot. Peut-être. Non, ouais, c'est peut-être de l'huile. Il y a des tunnels sous le parc pour aider les personnages à se déplacer. Donc, vous avez bien évidemment le grand parc de Walt Disney, mais du moment que vous voyez une princesse disparaître, ça se peut qu'à un certain moment, elle se retrouve à l'autre bout du parc d'attractions complètement. C'est tout simplement parce qu'elle a passé sous le parc, dans des tunnels. Donc, ça, voir les portes d'entrée de ça et de sortie. Ça doit être malade. Derrière un arbre, sûrement, quelque chose de vraiment subtil. C'est sûr que c'est derrière des endroits qui existent déjà, donc peut-être dans un bateau ou ouais. Je sais pas. C'est très, très... Dans les toilettes publiques. Ouais, c'est ça. C'est très secret. Ça a été conçu, en fait, pour éviter que les personnages en costume aient à traverser un lieu incongru, comme par exemple Buzz l'éclair dans le quartier des pirates. Ouais. Tu sais, on veut pas nécessairement que ça arrive. Donc, c'est une idée de Walt Disney lui-même. C'est ce qu'on appelle les Magic Kingdom Utilidors. C'est cool, vraiment. C'est vraiment cool. Si Mickey Mouse était une vraie souris, il serait bien malheureux à Walt Disney, sachez-le, parce que Disney veut que son parc soit aussi propre que possible. Alors, c'est pourquoi la nuit, les employés libèrent des chats pour chasser les souris ou les rats qui peuvent éventuellement se promener à l'intérieur du parc. Oui, donc Walt Disney serait le parc d'attractions, bien évidemment, serait une des places les plus propres et on n'y retrouverait pas, en théorie, de rats ou de souris parce que, justement, pendant la nuit, on fait un ménage complet du centre d'attraction. C'est quand même cool. Vraiment cool, ouais. Il y a des poubelles partout dans les parcs Disney, plus précisément tous les 30 pas. Ah oui? Donc, à chaque fois que tu vas faire 30 pas, c'est un petit peu comme la 401 à Toronto. T'as tout le temps la même chose qui se répète. Mais plus précisément, oui, à tous les 30 pas, vous allez retrouver une poubelle. C'est parce que Walt Disney lui-même est soupçonné d'avoir mis au point cette règle-là après avoir observé les lieux où se trouvaient les ordures. Donc, il trouvait lui-même des ordures à chaque 30 pas. Ben, comme à l'UQTR. Comme à l'UQTR, pareil. Oui, oui. Donc, il s'est dit, ben, tu sais quoi, à chaque 30 pas, on va mettre une poubelle. Ici, c'est une par pavillon. Oui. Garde-toi. C'est ça. Si vous avez déjà vu plusieurs images de Walt Disney, vous savez qu'il y a comme une allée principale qui est en béton, ce qu'on appelle la Main Street. Mm-hmm. Eh bien, le béton dans l'allée principale a été spécialement conçu pour rendre vos photos plus jolies. Ah. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que Disney a fait équipe avec Kodak, la compagnie Kodak, pour rendre le parc beaucoup plus photogénique possible. Et ils ont trouvé que certaines couleurs de béton donnaient un très bel aspect au parc. Donc, on a travaillé d'accord avec, justement, la compagnie de photographie pour que vos photos soient encore plus embellies lorsque vous arrivez au parc d'attractions. C'est quand même cool. Le château de Cendrillon est pas aussi grand qu'il paraît. Ok, oui. Le château, en fait, est situé sur une légère pente, ce qui fait en sorte que ça lui donne un look beaucoup plus grand grâce à l'astuce visuelle de perspective. Mmh. Et c'est comme ça que les gens pensent que c'est vraiment immense, le château de Cendrillon. Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il est incliné et personne ne le voit. Wow! C'est cool, mais voyons donc, je veux voir c'est ça. Moi. Les ingénieurs qui travaillent à Walt Disney doivent être genre... malade, ouais, ouais, il est possible de dormir dans le château de la Belle au bois dormant. Ça, c'est quelque chose que... plusieurs ne savaient pas. Il existe en effet bel et bien une chambre dans le château de la Belle au bois dormant dans laquelle il est possible de dormir. Plusieurs fois, c'est que ça va être très, très, très cher. Alors, c'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde connaît. Ça fait partie des secrets de Walt Disney, mais c'est possible pour quelqu'un qui a les moyens de, justement, louer cette chambre-là et de pouvoir dormir. Disney Paris a changé de nom. Ah. Je ne sais pas si tu savais, parce que le parc s'appelait en fait Euro Disney, mais c'est devenu après le temps Disneyland Paris pour qu'aucune association ne soit faite avec la monnaie qui est l'euro. Ah, wow! Oui, exactement. Donc, on a tout simplement changé le nom pour que justement ça ne soit pas associé avec le fait qu'ils voulaient tout en faire de l'argent. Oui, ouais. Exactement. C'est spécial parce que quand tu entends l'euro, ça veut juste dire européen, ça ne veut pas dire l'argent euro. Non, c'est vrai. Mais bon. Il aurait pu vouloir se dissocier du concours de chant Eurovision. Mm-hmm. T'as bien raison. Non. Mathieu, il y a un vrai squelette à Walt Disney. Hein? Oui, à Walt Disney. Il se trouve dans l'attraction Pirates des Caraïbes. C'est un petit peu fascinant, mais l'énigme des fameuses odeurs marines du quartier des pirates est enfin résolue, si on le sait. Certaines personnes avaient d'ailleurs visité les coulisses du parc. Et à la rédaction, certains sont des vrais fans et y vont tous les ans. Donc, le secret le plus étonnant a été de trouver, en fait, un vrai squelette dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Alors, si jamais vous faites le chemin pour aller visiter Disneyland et que vous tombez face à face avec ce fameux squelette-là dans le domaine des Pirates des Caraïbes, eh bien, sachez que c'est un vrai. Hey, c'est dégueulasse. Ben oui, ça fait peur. Moi, ça m'écoeure. Moins peur que d'autres affaires qui sont passées récemment. C'est vrai. Ça fait peur. C'est vrai. Par la suite, eh bien, sachez-le, Walt Disney pourrait débarquer beaucoup plus près de chez vous. OK. Attention, attention. Roulement de tambour. On revient. Mais c'est un immense marché de style Walt Disney qui va débarquer à Montréal le mois prochain. Oui, vous savez, ce fameux marché de Disney qui a plein de photos sur Internet. Puis la plupart du temps, on va les retrouver aussi dans les films, les films de style Hallmark. Oui, les films à l'eau de rose. Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs personnes qui font partie de ceux qui pensent qu'il n'est jamais trop tôt pour parler de Noël. Du moment que l'Halloween est terminé, on se met dans les grandes discussions de Santa Claus et The Reindeer. Mais on a beau juste être le mois de novembre, pour certaines personnes, dès que l'Halloween est terminé, justement, on se met les petits bonhommes pain d'épices en branle, puis on commence les décorations de Noël, puis tout ça. Alors, sachez qu'il va y avoir un grand marché de Noël à Montréal. L'année dernière, il y en a eu un aussi, mais ça va être un petit peu plus différent. Donc, dans un mois, vous allez pouvoir profiter à fond de l'esprit des fêtes dans le plus grand marché de Noël à Montréal, à la Place des Arts. Comment est-ce que ça fonctionne? Laissez-moi retrouver les informations. C'est très, très, très simple, en fait. C'est du 2 au 24 décembre 2016. C'est à l'esplanade de la Place des Arts. Donc, c'est très facile à trouver. C'est très facile à se rendre aussi. C'est sûr qu'avec les complications des travaux à Montréal, vous allez peut-être avoir un petit peu plus de difficulté à vous stationner. Mais sachez que si vous payez votre stationnement, eh bien, il y a une bonne chose à tout ça, c'est que l'entrée du parc géant de Noël est gratuite. Donc, vous n'allez pas avoir à débourser pour aller faire le tour de ce fameux grand parc-là, parc de thématique Noël, style Walt Disney. Et qu'est-ce qu'il y a au programme? Eh bien, il va y avoir une tonne d'artisans, un atelier avec des lutins. Vous allez aussi pouvoir voir la maison du Père Noël et de la Mère Noël. Il va y avoir une structure de jouets de 8 mètres de haut. Il va y avoir des ours polaires qui vont tirer le traîneau du Père Noël un petit peu partout dans le grand marché. Vous allez aussi avoir des contes de Noël pour les enfants. Il va y avoir un igloo karaoké, donc vous allez pouvoir aller chanter du karaoké sous un igloo. Il va y avoir des ateliers de décoration de biscuits pour enfants, rien de plus cool que ça. Il va y avoir du vin chaud, des spiritueux, des camions de bouffe de rue, donc par exemple, aux pieds de cochon vont être présents, Europea, queue de castor, Mathieu, queue de castor. Évidemment, c'est comme un... Ça fit avec Noël, moi, je trouve, des le queues dessert, de castor. Le dessert, oui. Tout à fait. Il va y avoir des bars à lait de poule, des bars à lait au chocolat, blablabla. Et il va y avoir aussi l'espace Amarula. Donc, c'est le genre de grand marché que, justement, comme je disais, on voit dans les films à l'eau de rose. Tu sais, ces fameux petits films-là qui vont passer, justement, trois semaines là, avant Noël. C'est là, comme un marathon. Là. C'est sûr que VTL diffuse en après-midi, genre au mois de juin, film de Noël. Là, exactement. Ils font ça, VTL, ouais. Ouais. Puis si vous êtes comme moi, ben vous voulez les primeurs de ces films-là, fait que vous les écoutez sur Internet. Hein? Ouais, en anglais. En anglais, oui, c'est merveilleux. Donc, il n'y a rien de plus cool que ça. On fait un immense marché de Noël, style Walt Disney, à Montréal, le mois prochain. Si vous me cherchez, c'est sûr, je vais aller y faire un tour. C'est tellement cool. C'est vraiment cool. Voilà. Hey! Merci, Tania. Ça fait plaisir. Génial. Une bonne petite chronique pour nous remettre de bonne humeur. Oui, oui, voilà. C'est pour vous faire oublier l'élection présidentielle d'hier. C'est ça, on n'arrête pas de parler subtilement de ça. C'était l'élection hier. Tu sais qu'en 1937, Blanche-Neige et les Sept Nains est devenu le premier film de Disney. Le premier film complet. Ah oui? Oui, c'était donc Blanche-Neige la première dans une lignée de princesses. Et depuis, il y en a eu 13 autres. Ben oui. T'as-tu perdu ton micro? J'ai perdu ma mousse. 13 autres. Jusqu'à, je crois que Moana, c'est la plus récente. Fait pas partie de la liste parce que c'est l'article qui date du mois de mars. Mais il y a quand même une utilisatrice de YouTube, Evan Hollins, qui a sorti une petite vidéo d'elle en train de chanter un medley de chacune de ces héroïnes-là. Il y en a 14. Ooh. Commençant avec Someday My Prince Will Come de Blanche-Neige et se terminant avec l'excellente Let It Go de Elsa. Oui! dans Frozen. Donc, une petite évolution en 76 ans. Voici Evan Hollins. Tout de suite, assemblage requis. Ça va être vraiment quétaine. Oui, mais c'est pas grave. J'ai hâte. Someday my prince will come. everyone. Well, thank you so much for watching my evolution of the Disney Princess. Ça nous fait plaisir de t'avoir écouté. This is the real me. I'm just a mom. Evine Nollins avec Evolution of the Disney Princess. En passant, Tania, tu as sorti un très, très bon point tantôt. Tu m'as demandé si c'était... En fait, je me demandais si c'était la fille qui avait joué dans le film Rent. Ben non, mais elle a joué dans Avenue Q sur Broadway. OK. Elle a joué aussi le rôle de Natalie dans Next to Normal. Pardon, pas sur Broadway, au Oregon Contemporary Theater. OK, donc c'est pas parce c'est qu'il pas y, a, y a une version de Let It Go qui joue dans le film, mais en fait, qui a été fait par la fille qui joue aussi dans la comédie musicale Rent. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Donc exact. Voilà. Ça, c'est la version qui est pas par Demi Lovato. Exact. C'est ça. Bref, ce n'est pas du Broadway, mais c'est Evine Nollins qui a une voix très, très Broadway. De toute façon, elle fait du théâtre, donc ça a du sens. Hein. Et son nom, son prénom, mm-hmm. est le... Moi, je te parle de Idina Menzel. Idina Menzel. Ouais. Son nom est le premier mot dans le premier chapitre du livre Pitch Perfect, ooh, sur lequel vrai? Le film est basé. C'est pour ça qu'elle s'appelle Evine. Oh, je savais pas. Ou Evine. Comment savoir? Bref, c'était The Evolution of Disney Princess, of the Disney Princess. Le lien YouTube... tapez Evolution of the Disney Princess et vous allez trouver ça facilement. Nous, on prend une pause. Oui. J'ai d'abord la confirmation pendant ta chronique que Sébastien Viguartin va être là pour faire une minuscule chronique de cynisme à volonté à partir de 9h15 environ, peut-être un petit peu avant ça. On répète les étapes du deuil qu'on a déjà passé dans l'émission, oui, Mathieu. Tout à fait. Donc, la première étant le déni. Mm-hmm. Hein? C'est ensuite, fait. Oui, c'est fait. Ah, je l'avais en français tantôt, je m'excuse, les termes vont peut-être être les mauvais. La colère est la deuxième étape. On dit l'expression en français, mais en anglais, bargaining, essayer de dealer quelque chose. Oh oui. Quelque chose. Ensuite, la dépression et ensuite, l'acceptation. Voilà. D'accord. Donc, on a déjà fait les pièces musicales pour l'acceptation, qui était just fine. Je pense, oui, on a fait avant ça, dépression, c'est la tienne. Oui. Mad, quelque chose, Mad World. Bargaining, j'ai mis Changes de David Bowie. Exactement. Et puis Anger, j'ai mis It's the End of the World as We Know It de R.E.M. On n'a pas mis de pièce de déni parce que je me suis dit qu'on vivait dans le déni avant l'élection. Exactement. Mais si tu veux nous trouver une pièce de déni, on peut. On va essayer de trouver ça. Et on peut trouver plein d'autres pièces pour l'acceptation et peut-être même non seulement l'accepter, mais aussi. Tout simplement s'en foutre. Oui, ben ça, s'en foutre. Ah, ça serait pas pire, ça. Ouais. On pourrait rajouter des étapes. Peut-être, oui. On devrait changer les choses. On va tout changer ça. Mm. Puis on pourrait peut-être faire les 12 étapes DA après. Oui, sûrement. Parce que je pense que ça va être ça. Je suis persuadée que ce matin, il y en a plusieurs qui vont devoir le faire. Je pense qu'il y en a beaucoup. Bref, on prend une pause. Au retour, c'est l'expression de répondre là. Mm-hmm. Puis après ça, de Sébastien et Viguartin. Merci. Assemblage requis en ce mercredi 9 novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. J'aimerais avoir une version princesse de Disney de la chanson d'Assemblage requis. Tu sais, on a une version électro un peu, une version acoustique comme celle-là. On a une version enfantine un peu comptine. J'aimerais ça avoir une... C'est vrai. Assemblage. Tu sais, quelque chose comme ça? Assemblage. Ouais. On va demander à... On va trouver quelqu'un. Bref, avant de continuer notre émission avec des gadgets inutiles, avant d'accueillir Sébastien Viguartin, on a deux choses à faire. Une demande spéciale musicale de David Ferron dans quelques instants, mais avant ça, on se renseigne avec l'Info Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Les étudiants du département des arts de l'UQTR tiennent une expo-vente jusqu'au 11 novembre. Les toiles sont disponibles au hall Gilles Boulet. N'hésitez pas à aller encourager nos talentueux étudiants. Le deuxième Startup Weekend Shawinigan se tiendra les 18, 19 et 20 novembre prochains. L'événement aura lieu au DJ Hub de Shawinigan et c'est l'occasion idéale de développer votre âme d'entrepreneur. Des mentors seront sur place pour guider les participants et pour s'inscrire, il faut aller sur Eventbrite et chercher Startup Weekend Shawinigan 18, 19 et 20 novembre 2016. Tu étudies à l'UQTR? Tu désires t'impliquer? Le poste à la vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle de l'AGE-UQTR est pour toi. Pour postuler, il faut remettre une lettre de présentation, un curriculum vitae et le formulaire disponible sur place. La date limite pour soumettre la candidature est le vendredi 18 novembre à 17h. L'élection du poste se fera le dimanche 20 novembre lors du CA de l'AGE-UQTR. Pour se procurer le formulaire et remettre les documents, il faut aller au local 1022 ou 1023 du pavillon de la vie étudiante. Tous les mercredis entre 11h30 et 13h30, une soupe partage est offerte gratuitement pour les étudiants de l'UQTR. Le prix est de 2 $ pour les membres du personnel et l'événement a lieu au local 029 du pavillon Suzard-Côté. Tous les profits seront distribués à la communauté. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. C'était l'Info Campus, écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, et Tania Baudin qui en a fait la lecture. Exactement. Merci à vous deux. Avant de passer à la chronique de Gabriel Mehoud, la chronique dans les coulisses de la huître, David Ferron est avec nous. Salut! Et David. Tu nous présentes une petite pièce spéciale pour nous défouler un peu de ce qui s'est passé hier. Oui, puis en même temps, le fait que tu n'arrêtes pas de blaster l'Eurovision alors que tu présentes 30 minutes de tune de Disney. C'était 8 minutes. C'était 8 minutes, pas de 30 à passer. Bon, oui. Oui. Ah! J'avais l'impression que c'était plus long que ça. Nous, on a eu du c'était merveilleux dans nos oreilles, nous, ce matin. On a eu des bons commentaires de toutes nos auditrices. Oui. Ah oui. Tout le monde est content. Ceux de, dans vos têtes? Ça chante les Let It Go partout à Trois-Rivières, par exemple. Ah ouais? Hein? Est-ce que tu chantes? Non. Est-ce que Gabriel Béhoud chante Let It Go? Clairement. Clairement. Là, je regarde Barbriel présentement, puis Barbriel. Il chante Let It Go. Des, comme dans les Pirates des Caraïbes. Pareil. C'était lui qui était dans Pirates des Caraïbes. C'était le squelette. C'est la version muette. C'est ça. Donc, une chanson de l'Eurovision, parce que j'en ai parlé en mal tantôt. Qu'est-ce qu'on écoute? Rock'n'Roll Alléluia de Lordi, qui est un groupe finlandais qui a gagné la compétition en 2006. C'est pas Lordi comme Lord... Non, c'est vraiment L-O-R-D-I. Parfait. Donc, on écoute ça. Hard Rock Alléluia. Merci, David Ferron. Merci beaucoup. Hard Rock Alléluia. Hey boy. Revolt on this sinner's night. Lost are the lambs with no guiding light. The walls come down like thunder. The rock's about to roll. It's the apocalypse. Now be your soul. Over it is lightning with power and might. Striking down the prophets of falls. As the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in the hall. Sisters, keep strong in the faith. On the day of reckoning, it's who that wins. You will see the Joker soon, I'll be the new king. Oh, it is lightning with power and might. Striking down the prophets of walls. As the moon is rising, give us the sign. Now let us rise up in the hard rock, hallelujah. In God's creation. Hallelujah. On ne reconnaît plus David Ferron avec cette chanson-là. Hein? Lordy avec Hard Rock Hallelujah, les gagnants d'un Eurovision précédent, là, récent. Bref. Mais non, c'est Gabriel Biwood qu'on a entendu avec sa voix grave. Eh, hey, bonjour. Hard Rock Hallelujah. Eh, hey, bonjour. Bonjour, voici Dans les coulisses de la nuitre. Dans les coulisses de la Luitre, la chronique où on parle d'improvisation, parce qu'il y avait un match qui avait lieu lundi soir à 20h à la Chasse-Galerie. Oui, monsieur. Un match entre les bleus et les oranges. C'est exact. Et je me rappelle qu'on a... Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu parler, en fait. Ah, Caroline, je pense que ça va faire longtemps qu'on l'entendra pas encore. Ah, ça fonctionne pas? Non. Qu'est-ce qui... Pourtant, on a craqué ton logiciel tellement fort. Oh, oh, on s'est passé à la radio. On s'est procuré, on a acheté une licence complète. Oui, c'est exactement. On a lu les termes et conditions. On comprend le fait signé. Suivant, oui. Voilà. Signé donc, de notre sang. De votre oui. sang, les gars. On a donné donc, des centaines de dollars à Adobe. Exactement. Mais ton fichier dure 8 secondes. Hein? Ouais. Ah ben, 5 minutes. 5 minutes, ben, Gabriel. Attends, c'est quoi le 8 secondes dessus? On peut s'occuper? C'est quoi le 8 secondes? Très bonne question. Peut-être sa tâche. Est-ce que ça va être genre des coches de... Étoile d'arbitre! Ouais, c'est juste un segment. Ça fait ça. Je suis avec. Ben, juste pour vous dire que l'étoile d'arbitre cette semaine, c'était Vincent Rainville! Mais attends, qu'est-ce qu'il a à dire, Vincent Rainville? On va l'écouter voir. Je suis avec l'homme qui. Ben oui, c'est ça qui, je pense. Ben oui, c'est ça qui. Voilà. C'est ça qui. C'est ça qui est ça? Probablement. Wow. C'est génial, ça, Gabriel. Ben avoir su, hein. Qu'est-ce que tu veux? Je ne recule devant rien, devant l'excellence journalistique. Oui, ton mixdown a été fait avec les mauvaises affaires. T'as peut-être sélectionné un extrait, puis t'as fait mixdowner juste l'extrait sélectionné, peut-être. Tu sais, là, genre mixdown, ça veut dire que tu renvoies toutes tes pistes vers... Non, non, ça a tout... Ça... Je suis corrompu, faut croire. Envoie-moi-le par email la prochaine fois, OK? C'est trop lourd. Peut-être avec les USB. Ben... WeTransfer. On s'en parlera à rond. Ouais. Okay? On va faire comme si on n'avait rien vécu de tout ça. On va sortir la petite feuille de mon panier. Pour ça fait un mois, je pense, qu'on n'a pas eu de chronique. J'étais tellement content de revoir ça. Ouais. Mais bon, ça ira la prochaine fois. Ouais. Je te dirais qu'au mois de décembre, là, genre, refais-nous les mixdowns de toutes tes chroniques que t'as pas pu faire. On se fait un marathon. Ça va être écœurant. Ouais. On pourrait faire ça. Ouais. Bref, le match de lundi soir, 20h, qui avait lieu entre les bleus et les oranges, comme on a dit, un match régulier, un des rares matchs réguliers cette année. C'est vrai. C'est des matchs spéciaux. Exact. Donc, mais là, on s'en va sur une bonne stretch de matchs réguliers. On annonce un match spécial le 17 novembre aussi. Oui, aussi. Fait qu'il n'y a pas juste... Mais c'est un jeudi. C'est un jeudi, ça. Mais les lundis seront en effet traditionnels d'ici la fin de... Oui, bien sûr. De la session automnale. Donc, un match qui a été arbitré par Véronique Gagné, son deuxième match dans la Luitre. Exactement. On a le droit à plein de nouvelles catégories. Absolument. Ouais. Plein de nouvelles catégories. Je pense que c'est vraiment gâté. C'est fun de voir les joueurs patiner un petit peu. Oui, bien sûr. Pas trop savoir où s'en aller avec ça. Mm-hmm. Il y en a qui préfèrent la traditionnelle, il y en a qui préfèrent la crémeuse. C'est ça. Moi j'aime bien traditionnel, c'est bon. Moi, je suis vraiment crémeux. Ah, tu vois. C'est moi le petit liquide blanc. Tout est. Oh, c'est mon Dieu. Mais non, mais oui, des nouvelles catégories, on a le droit. On a le droit à des retours aussi dans l'ancienne catégorie que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Absolument. Par exemple, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. Donc, oui, ça, c'est style popcorn où les gens peuvent entrer sur la scène quand exactement, ça c'est assez rigolo. Généralement, on a le droit à des quoi ne pas dire, quoi ne pas faire dans des lieux en particulier. Que ce soit des funérailles, je sais pas, une élection américaine. Oui, une bibliothèque, peu importe. Ouais. Dans les nouveautés un peu, celles qu'on n'avait jamais vues, en tout cas, moi j'avais jamais vu ça à la huître, une catégorie style horoscope. Oui. Où elle demandait aux gens dans la salle leur signe astrologique et allait sur Internet. Oui, c'était le thème. Et voilà. Elle lisait les chiffres chanceux ou les je sais pas trop quoi. Là. Exact. Donc, le thème pour chacune des équipes était l'horoscope d'un signe du zodiac. Du zodiac. Voilà. Il y avait album de musique, je pense. Oui, aussi. Donc, même principe, en fait. C'était une catégorie où le thème n'était pas déterminé et où on donnait le thème, par exemple, par rapport au numéro d'une piste. Donc, on dit la piste 12. Mm-hmm. Et puis, on prend le titre qui était Die Et puis, c'est un album de Kathleen, je pense. Oui, oui, donc. Mais c'est ça, tu sais, on a beau dire que ce sont des fois des nouvelles catégories. Il y en a qui sont un petit peu contre l'idée d'avoir autant de nouveautés dans un match parce que c'est un petit peu plus long à expliquer. Ben mais oui. Ça, mais ça mélange les gens aussi ouais. un peu. En tant que tel, ça, choisir un nom de tune, c'est quand même assez traditionnel non, c'est en même très temps. Simple. Il y avait aussi dans les nouveautés Bucket List, c'était un peu dans le même principe que le popcorn de tantôt, là, de quoi ne pas dire, quoi ne pas faire. C'était des choses que vous feriez avant. C'était ça? Chose que vous feriez avant la mort, c'était quoi? Ben, ça? D'habitude, c'est ça une bucket list. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas sous une forme originale. C'est possible, j'ai raté cette info. Bref, ça se peut. J'essaie de chercher, sinon, qu'est-ce qu'il y avait comme thème? Dommage minime, l'ami de mon père, boucler la boucle, tous les indices sont là, deux cafés express. Oui. Il y avait l'impro littéraire, bien sûr, avec Jean-François Veilleux. Oui, bien sûr, ça, à chaque semaine, il est là. Donc, très intéressant. C'est un gros défi, parce que des fois, le texte est long. Oui, exact. Donc, il faut se rappeler de deux, trois... points en particulier du thème et puis les mettre en scène. Ça finit par marcher. Garde des mots, vie d'adulte. Vie d'adulte, je dois mentionner un shout-out. J'ai trouvé ça particulièrement drôle, moi, qu'on fasse du côté des oranges. Des jeunes enfants qui voulaient rentrer dans un bar et puis ils ont fait le classique deux enfants appelés un par-dessus l'autre avec un grand imperméable. Et le gars qui se met le doigt sur la bouche pour faire une moustache. Oui, c'était hilarant. C'était je fais-tu penser, moi, me faire une moustache avec mon doigt? Mais c'est drôle, il y en a qui se font tatouer. As-tu vu le tatou de moustache sur le doigt? Hein? C'est hot, ça. Mais voyons. Fais-toi faire ça, là. Non. Non? Il y en a qui se font faire un tatou de poche de cigarette. Un tatou de poche de cigarette. C'est vrai. Mais c'est dégueulasse. Non, mais je sais pas. C'est si mal. Mais ça serait drôle. Ça serait dégueu. Ça serait malade. Inutile. Parmi les autres nouveautés, celle-là, ça m'a vraiment marqué. Ça servait absolument à rien. C'était complètement inutile, mais en même temps, je trouvais ça très, très drôle. L'improvisation, pas de bouche. Ouais, bouche invisible. C'est quoi ça? Donc, c'était une nouvelle catégorie, en fait, où on devait cacher notre bouche. Donc, c'est n'importe quoi. En effet. Oui. Et puis, lorsqu'on voyait la bouche d'un des joueurs, d'un des deux côtés, on calculait le nombre de bouches vues par équipe. Et puis, l'équipe perdante, dans le fond, l'équipe qui donnait un point à l'autre. Donnait équipe. Un point automatiquement. Donc, comme si c'était une pénalité majeure. Et justement, c'est celle-là qui a donné une pénalité. Ça dit plus ça, un ça point au orange. Match, hein? Ça a donné le match. Ouais. Ouais. Hey, pour vrai, ça a donné. J'avais pas réalisé. Ben, certain. Hey, ça avait de l'influence sur la finalité des choses. Il y a eu un transfert de points. Donc, c'était 8-7 avant du côté des bleus. Et c'est tombé 8-7. Côté des oranges. Et voilà. Et ça a terminé avec une autre impro, je trouve, thématique un peu à la précédente, c'était lire sur les lèvres. Oui. Le thème de la dernière. Voilà. Les étoiles. L'étoile donnée par les... Non, au bleu. Oui, qui va à Alexandre Arabiswiki. Ben oui, à chaque semaine, lui, il est présent. Il est toujours vraiment... Incroyable. Même chose pour la recrue de la lutte, mais vétéran de l'improvisation générale, l'étoile des oranges qui va à Jocelyn Garneau. Lui aussi, mais c'est une recrue entre gros guillemets, oui, vraiment. Gros caractère 72. Mais il n'a jamais techniquement joué dans la lutte. Il a déjà été arbitre. Exact. En fait, exact. Il a joué dans la lutte dans plusieurs matchs où c'était les arbitres versus les capitaines. Exact. Fait que dans le fond, c'est ça, les guillemets sont... Mais c'est ça, il faudrait définir le recrue. Oui, parce qu'il est techniquement un nouveau membre dans une équipe aussi, voilà, à la lutte. Voilà, okay. Voilà. Donc c'est une recrue, mais c'est un gars qui a de l'expérience derrière la cravate, et ça paraît. Et voilà. Parlant d'expérience, un gars qui n'a pris assez rapidement l'expérience, c'est l'étoile de l'arbitre, Vincent Rainville. Oui, Vincent, ça gosse jouer contre lui parce qu'il a une réponse à tout. Il rapide ses patins, il fait des jeux de mots sans cesse. Ouais, puis il y a des bonnes idées aussi. Ouais. En fait, c'est un très bon joueur. C'est un joueur complet. C'est pas pour rien qu'il est capitaine de l'équipe des Bleus. Voilà. Voilà. Donc, toi qui les as reçus en entrevue pour ta chronique ratée, oui. Mardi soir le matin. Lundi soir le matin. Ouais. J'ai reçu le Joe Sakic de l'improvisation, Maximilien Théberge. Qu'est-ce que je t'ai dit? Puis Maximilien m'a dit. Je m'en rappelle plus exactement ça. Ah, wow. T'as fait ça dans la nuit en écoutant les élections, hein? Non, le montage? Ouais. Non, pas du tout. C'était fait hier au matin, mais le montage, c'est un mix incroyable. C'est un mix incroyable de 8 secondes. Oui, oui, exact. Donc, que du bon stock là-dedans, t'sais. Je comprends pas pourquoi, en fait. Mais oui, c'est ça. J'ai parlé à lui et Vincent Rainville deux fois, en fait, puisque Vincent était l'étoile de l'arbitre. Oui, parce qu'il faut comprendre que tu fais des entrevues avant le match avec des joueurs que tu choisis toi-même ou si tu voilà. veux parler. Et après ça, l'étoile de l'arbitre, tu lui parles. À toutes les semaines. Donc, mais, là, visiblement, on peut pas l'entendre. Mais visiblement, on peut pas l'entendre. C'est quand même... Visuellement, c'est rare. Ouais, mais on peut pas l'entendre. Non. aujourd'hui. Mais ouais, Vincent, en fait, était très humble. Ah oui, hein. Vous allez voir, ben, vous allez entendre. Si je vous l'envoie. Là. Dans un marathon de une heure de toutes les chroniques ratées de Gabriel Bélier. Ça va être lourd. J'ai hâte. C'est pas long. C'est pas amorphe. Donc, bon, ben comme on n'a pas ça, on va arrêter de parler de nos erreurs et tout ça, on va parler du futur. Ben, parlons du futur, Mathieu. C'est pas dit, c'est la raison, on va parler du futur. 2050, la planète Terre. Non, la semaine, on va se concentrer sur lundi prochain, je pense. Ouais, exactement. Lundi prochain. On va être rendu le 14 novembre, la semaine prochaine, deux matchs. Oui. Dos matches. Voilà. Lundi, rouge versus vert. Exactement, donc c'est comme un repeat du match de l'Halloween. Ben, en fait, c'était à l'origine, c'était supposé avoir le 31 octobre vert versus rouge et le 7 novembre aussi vert versus rouge. On a juste fait un échange pour éviter les doublons. Et voilà, mais ça fait un doublon à l'intérieur de trois semaines, c'est ouais. pas grave. On aime ça pareil. C'est pas la fin du monde. Non, puis ça fait Noël un peu. Exactement. Ça met du sens, rouge versus vert. 17 novembre, est-ce que tu es au courant de ce qui s'en vient? J'étais pas à la salle générale. Non, pas du tout. Non. En fait, c'est pas encore très clair là, ce qui va être choisi. Ça devrait avoir lieu. Ça devrait, oui. Peut-être. Ça devrait. Okay. Ça devrait. Et ensuite de ça, le 21 novembre, ce sera rouge contre orange. Ben oui. Et le 28 novembre, bleu contre vert. Voilà. Donc, on s'enligne là, sur un bon trois semaines d'improvisation, des matchs réguliers à tous les lundis. Tous les lundis. Voilà. Le mois de décembre, lui, sera différent. On en parlera rendu là parce que c'est encore loin. UQTR.ca/Pro. Oui. En n'oubliant pas les 3 W, sinon ça marche pas. C'est ça. C'est ce qui est assez particulier. C'est ça. Page Facebook, l'Huître, Ligue oui. universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Exactement. Donc, si vous likez et vous suivez, vous verrez tous les événements, les photos, les articles, les concours. Beaucoup d'articles, hein, le L apostrophe, oui. le la, le les. Le déterminant général. C'est ça. Donc, les pronoms... Nominaux. C'est ça. Quel est ton temps de verbe préféré, Gabriel Bill? Moi, je dirais le subjonctif. Oh. Incroyable. Oh. Temps de verbe, je vais chercher voir qu'est-ce qu'il y a de le fun. Moi, je peux te dire, pour avoir étudié pour le TECP, le test de français, ouais. trop difficile, là, 3 ans, là, tu reçois une feuille là, avec une phrase écrite, puis ils disent dites-moi quel est le temps de verbe dans cette phrase. T'as ABCDE comme choix, puis ABCDE, c'était tous des temps de verbe que je. C'est pas lequel qui est complètement sorti de Mars. C'était incroyable. Qui était pas dans le bécherel quand on est au primaire, mettons. Exact. C'était quoi ton temps, là, tu disais? Le subjonctif. Subjonctif. Ça, c'est que je ou que tu. Que je fasse. Que je fasse. Tu renvoyer le blâme sur quelqu'un d'autre. Exactement. Ah oui. Que je mange, que tu manges, ouais, c'est ça. Moi, mettons, qu'est-ce que j'aime là-dedans? Le us. Tu sais, là, le plus que parfait, que je se manger. Ah oui, manger. Ouais. Ça, c'est dans l'ancien français, là, quand il parlait bien. C'est beau. Oui. Tagnol, tiens. Je dirais présent. Ah oui, le simple, là. Ouais, indicatif présent. J'aime parler au présent. Ouais, j'aime ça. J'aime bien les impératifs aussi. Présent. C'est ça. Mathieu, c'était un gars ordonné. Ah, tellement. Trump. Oh mon Dieu, Seigneur. Hey, pensez-vous que ça va faire un peu comme John F. Kennedy? Il va se faire assassiner dans la prochaine semaine? Dans la prochaine semaine? Ben, Kennedy, ça a pris un an. Il y a eu minimum un an. Ouais, c'est vrai. C'est deux, même. Wow, ça fait peur. Mais pensez-vous que ça va arriver? Qu'il va y avoir tentative? Ben moi, tu vois, je réalise avec le temps que je suis très, très mauvais analyste, commentateur politique parce que je me fie ces médias que j'aime, en qui j'ai confiance, qui disaient que c'était impossible que Trump gagne. Fait que là, ben, dorénavant, je dois m'avouer battu. Je me suis surpris dernièrement par la vague de soutien à Trump. Ben absolument. Ben clairement. Moi, je voyais le bon côté des gens en me disant ils ont voté pour Obama. Fait que les gens sont à moitié... Ils vont continuer dans cette bonne lignée-là. C'est hein? ça. Mais non. Fait que là, ben, je dirais tu sais ce que j'ai remarqué, moi, hier, sur les médias sociaux, que ce soit certaines personnes que je connais aux États-Unis ou simplement des amis de d'autres amis qui sont aux États-Unis, c'est qu'on n'avait tellement pas confiance en Hillary Clinton qu'on a tout simplement décidé de voter pour Donald Trump à la place d'Hillary Clinton. Ouais, c'est ça. C'est fait. Quelque chose. Mais tu sais, il me semble, je sais pas. Mais bref, moi, je pensais qu'Obama allait se faire tirer parce qu'il est noir. Ah! Ouais. Genre hier soir? Non, mais okay. depuis 2008. Oui, c'est vrai, c'est jamais arrivé. Tu vois, je ne dirais plus rien. C'est ça. C'est ça. Mais tout le travail là, que Barack Obama a fait. Ouais. Bye bye! Ça va-tu disparaître? C'est ça? Clair. Ouais, probablement. On a réussi à parler de politique dans une En même temps, on va se dire. Là. Ben oui, on a pas. On va se dire. Il y avait le choix entre Trump ou une femme. C'est vrai. Mais présentement, il y a plusieurs. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont pas. C'est sûr. Ben oui, parce que c'est pas une femme qui est incroyable. Ben oui. Ce qui est incroyable. On est en 2016. Mais en même temps, ils avaient le choix entre deux choix très mauvais. Vraiment. Économie. Il y avait vraiment le choix entre l'économie et le changement. Ouais. Ah, le temps, le bon vieux temps du Colonel Sanders. Moi, je me demande si aux États-Unis, ils ont eu les mêmes réflexions médiatiques que nous, on a eu ici au Canada. Tu sais, nous, ici au Canada, on voyait beaucoup de Hillary Clinton, on voyait beaucoup de Trump et pas gentil. Est-ce qu'aux États-Unis, c'était la même chose? Mais j'avais entendu à la radio en fin de semaine que c'était une des premières campagnes électorales où plus un candidat faisait parler de lui dans les médias, moins c'était bon pour lui. Donc, d'avoir du temps d'antenne, c'était pas bon pour aucun des deux candidats. Parce que Trump, ben, il se mettait tout le temps les pieds dans la bouche, parce que c'est un abruti. Puis, ben, il a ri, elle, parce qu'il parlait des scandales où elle envoyait des courriels dans le fond, top secret, avec son Hello Kitty at gmail.com. Mais oui. C'est quand même incroyable. Là. C'est sûr. Donc, ça, c'est des sources sûres. Hein. C'est étiquette journalistique, il faut le dire. Mm-hmm. C'est béton, là, ces informations-là. Mais voilà. Oui. Donc, c'est. Il y avait le choix entre. Il est trop bien pour avoir un Gmail, oui. Ben, je sais clairement pas. Clairement encore sur Yahoo Mail. Ou comment? Ouais. Plus jeune que Trump, ouais, hein? Que c'est ça. Ouais, de genre quelques mois. Mais non, elle a 67. Lui, il a 71. Elle est dans la fleur de l'âge, Mathieu. Ah, ben oui, l'âge d'or. Voilà. Mais justement, elle va pouvoir dormir pas mal parce qu'elle n'aura plus rien à faire. Non, en effet. Elle ne sera plus dans cette administration-là, pas mal sûr. Hein? Ouais, elle va la prendre clairement comme secrétaire de. Comme secrétaire, en fait. Je pense. Elle n'a pas assez des gros seins. Ouais, non, c'est ça. Il peut pas. Tu sais, on parle quand même d'un gars qui s'était défendu de... Anyway, ça sert à rien de revenir. On est déjà au tout courant. Hein. Mais le type a quand même dit à propos d'une fille qui l'avait accusée d'agression sexuelle, il dit c'est pas vrai, j'ai pas touché. Elle était même pas belle. C'est ça. Puis, si j'avais agressé quelqu'un, ce serait mon dernier choix. Ben oui, c'est voilà. Ça. Non, ce serait pas mon premier. Exactement. Ouais, il avait dit comment voulez-vous que je l'ai agressé, elle est même pas belle. Bref, pour en revenir à l'impro, parce qu'on est vraiment très loin de l'impro, mais j'avais sorti des slogans. C'était quelqu'un qui improvise énormément. Là, crime, tu dis. On a parlé. OK. Des slogans, OK? Vas-y. La dernière fois, v'là plusieurs mois, j'avais sorti Impro and Chill. Ouais, ouais. Okay. C'était hot. Pour Netflix and Chill quand tu veux amener une date à l'impro, qui est une très bonne idée. Je trouve ça va très bien. Cette année, plutôt cet automne, j'ai sorti 108 c'est non. Voilà. 108 c'est non. On est peut-être mieux de passer à un autre sujet. Parce ça n'a pas marché. Ouais. Ça a pas marché. Non, c'est flop total. Là, je suggère, je vais changer de domaine vas-y, vraiment. Vas-y. Grab them by the funny. Oh, ouais, ouais, ouais. Grab them by the funny. Ben oui, c'est très bon, ça. Ou grab them by the laugh. Ouais, mais il faut que ça arrive avec... Voilà. Si. Ouais, grab them by the funny, c'est... The funny. The funny. Le foufouni. Annie Cooney. Ouais. La toune commence en... Oui, c'est ça. Tu remplaces la toune de l'impro. Par ça. Bref. Salut, toi! Yeah! Fait qu'on finit-tu comme la semaine passée, un petit God bless America, land of the free. Hey, en plus, là, pendant que vous chantez. Ouais, merci de nous interrompre. Ouais. Ça fait plaisir. Nouvelle de dernière minute, Hillary Clinton va s'adresser à la population à 9h30 ce matin. Elle va les insulter. Hey, bande de gnochons! Voilà. J'ai hâte de savoir ce qu'elle veut dire. Ouais. Ouais, il va falloir qu'elle photoshoppe tout le monde, ses photos. Elle veut ça passer tout. Elle envoyait plusieurs communiqués où il y a des photoshops de très mauvaise qualité. Moi, j'ai vu ça. Ah. On voyage en 14 fois la même personne dans la foule. Mais c'est assez peu débunké que c'était pas vraiment la campagne qui avait fait ça. C'était pas Hillary Clinton, en tout cas. Bref, je me rappelle pas si c'était vrai. C'est sûrement pas elle. Non, c'est ça. Bref. C'est ça. C'est... On se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Mercredi à 8h30 pour dans les quiz de la lutte. Et on se retrouve aussi à la Chasse-Galerie les lundis soir 20h. Bien sûr, gratuit. Donc la semaine prochaine, rouge contre vert. Yay, merci Gabriel. Bonjour. La Béoude. Bye. On prend une pause encore une fois. Chaque pause aujourd'hui est vraiment comme très méritée et pénible de s'y rendre. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Et on vient avec, dans la prochaine demi-heure, Sébastien Viartin qui va être là pour la chronique et Bulletin Gartin, mais très, très rapidement. Très cynique. J'ai bien hâte d'entendre parler de Sébastien et de tout ça. D'après moi, on va défoncer. D'après moi, oui. Attends. Bonjour. Visitez cfou.ca. Vous êtes assez fou. C'est Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On se mercredi 9 novembre 2016. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Il nous reste peut-être une 10-15 minutes. Sébastien Gartin a dit qu'elle est arrivée dans les environs des quarts, mais peut-être avant ça pour nous faire une petite chronique bulletin Gartin de dernière seconde qui va finir par dépasser, comme on sait, le mercredi. On est de même. Mm-hmm. Mais on a juste assez de temps d'ici à ce qu'il arrive et qu'il s'installe pour s'acheter quelques gadgets parce que j'ai promis qu'on le ferait aujourd'hui. Oui. Donc voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des gadgets sur Internet. J'ai dit achète des gadgets ridicules sur Internet et on le regrette ensuite. Tu sais, Donald Trump, il est riche, milliardaire, dit-il. Eh bien, pour les riches, justement, voici une table en vitre qui a l'air d'avoir de l'argent qui brûle à l'intérieur. Hey boy. C'est une table conçue par Alejandro Mung en collaboration avec Amerist Studio. Donc, on dirait qu'il y a une pile de billets de 50 euros à l'intérieur en train de brûler, mais c'est évidemment pas de vrais billets. La pile de billets est faite de résine à sculpter, de peinture et de papier. Donc, on sait pas trop c'est quoi le message de l'artiste. Sûrement un message sur les riches. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de prix. C'est un concept. C'est bizarre. Bizarre. Je sais pas combien de fois tu peux faire brûler ça, par exemple, cette pile d'argent-là. Il va falloir que tu récupères à chaque fois ou que tu en fasses un nouvel intérieur. Ensuite, le Skunk Lock, c'est un cadenas pour votre vélo qui envoie un truc chimique qui te fait vomir quand tu coupes le cadenas. Mm-hmm. Skunk Lock, une campagne sur Indiegogo qui a déjà été complétée. Ça coûte 120$ pour ce gadget-là qui contient des produits chimiques sous pression. Ah oui. Et aussi que le voleur de vélo casse ça, brise ça, coupe ça, ça fait aller le truc chimique dans la face de la personne. Mon Dieu, c'est agressif. Super agressif. Garantie sécuritaire pour les gens qui s'en servent comme cadenas de vélo. Ça va pas vous exploser dans la face. C'est seulement ce que couper que ça fait ça. Ensuite, de vrais étuis, mais de fausses nourritures qui ont l'air délicieuses. Donc, par exemple, vous pourriez avoir un iPhone avec l'apparence d'une pizza à l'extérieur. Ah, c'est quoi le ragoût? Oh. Ah, le ragoût! Notre ami David Ferron qui arrête pas de me demander de lui payer un ragoût parce que Trump a gagné. On avait gagé David Ferron. Sérieusement, le ragoût, là, il a vraiment pas l'air à pizza. Ben, David, je vais t'acheter un case d'iPhone avec du ragoût. Celui à sushi, par exemple, il est cool. Oui, celui de pizza, moi, je trouve qu'il a l'air très appétissant. Fais-tu les crevettes? Non. Crevettes, miam. Crevettes dans de la sauce, hein? Ouais. Ça me rappelle, il y a quelques années, il y avait une histoire qui passait dans les médias. Je me rappelle pas si c'est vrai ou si c'est faux, là, mais que quelqu'un, dans un concours, avait gagné, genre à la radio, une nouvelle Toyota. OK. Et puis, c'est prononcé Toyota. Toyota. Et évidemment, quand la fille s'est présentée pour gagner ça, pour récupérer, c'était un jouet de Yoda. Un Toyota. Oh mon Dieu. C'est drôle. Hein? Mais ça me rappelle ça. Cette semaine ou la semaine passée, il y avait aussi une jeune fille, de moins de 10 ans qui s'était fait promettre d'avoir un iPad, de se faire acheter un iPad par genre ses parents. Et puis évidemment, son père lui a acheté un iPad, comme un pad pour mettre sur l'œil, comme une gaz, truc. C'est très drôle. Donc à la place d'acheter un ragoût à David Ferron, je vais acheter un étui de téléphone avec du ragoût dessus. Bref, elle s'est vendue par une boutique japonaise, Village Vanguard. Ça s'appelle les Fake Food Phone Cases. On peut en acheter un seul pour $62 américains. Tofu, curry, bœuf, pizza. Évidemment, comment choisir juste un, comme le dit l'article. Ensuite, vous pouvez maintenant acheter de la céramique glacée avec les cendres de votre être cher. Quoi? Ça s'appelle Chronicle, cremationdesigns.com. La compagnie Chronicle qui fabrique des... c'est comme un genre de comment dire? C'est comme un glaçage qui intègre la cendre, les cendres de vos êtres chers morts. On utilise ce glaçage-là pour garnir des tuiles de céramique de pouvoir les installer dans votre salle de bain ou peu importe. Vous pouvez ensuite vous acheter évidemment tout ce qu'il y a sur Internet par rapport à des cendres. Ça peut être un rack à chandelles, une tasse de café fait avec des cendres de vos êtres chers et garnir votre maison au complet de souvenirs d'une personne morte. Le glaçage coûte $400. C'est assez pour fabriquer, pour garnir 25 différents objets. Ça va entre $200 et $650. Je crois qu'on peut les achète tout fait, je crois. Hein? Je suis pas certain, l'article est pas super clair, mais ça reste super cher. Voilà. Les céramiques, on parle de pots en céramique, de tasses en céramique. J'imagine qu'on peut se faire faire des tuiles aussi en céramique. C'est pas, y a pas, y a pas des photos, mais quand même. Ensuite, on parle d'une collection de chandelles avec comme inspiration l'odeur de vos livres préférés. C'est une boutique sur Etsy qui s'appelle Liberde Stella qui vend des chandelles faites à la main inspirées de livres populaires. On peut choisir parmi Game of Thrones, Harry Potter, Pride and Prejudice, The Wizard of Oz, Machine Oz, où on peut encore acheter toute la collection et avoir une bibliothèque remplie de chandelles. Hein? Mm. Toi qui es aussi fan de Harry Potter, oui. Est-ce que t'aimerais avoir, je crois que c'est un petit peu... Ah, il est pas dans les photos? Oui, non. J'aimerais ça. Dans celle de Game of Thrones, ça s'appelle Winter is Coming. Snow Flurries, Cedarwood and Wintergreen Tree, donc une sorte d'arbre, une sorte de bois. Et J'aimerais beaucoup celle d'Harry Potter, je pense. Ouais, c'est ça, on voit pas dans les photos. Malheureusement, on voit Wicked Witch qui est avec le Machin d'Oz et on voit Mr. Darcy qui est par rapport à Pride and Prejudice. Voilà. Ensuite, tiens, on parlait d'odeur il y a quelques instants. Pourquoi ne pas... ne pas faire sentir votre appartement très, très viril. Oui. Voilà. C'est encore des chandelles. Ouais. C'est chez Chase and Hunter qui croit que les hommes devraient avoir un appartement qui sente mieux que ça. Donc, c'est la première marque de chandelles qui va choisir une paire de chandelles pour l'homme parfait, donc pour avoir l'expérience parfaite. C'est comme un accompagnateur, un wingman, si on veut, d'odeur d'appartement. Donc, ils construisent une chandelle parfaitement pour vous. Ça ne détaille pas vraiment l'odeur, qu'est-ce que ça sent, mais c'est apparemment fait pour... Les demoiselles. Attirer les demoiselles, même que leur slogan, c'est « Swiped Right ». Oh, mon Dieu. J'imagine une référence, évidemment, à Tinder. Leur campagne Kickstarter vous, est disponible pour vous en cherchant « Chase and Hunter ». Ça coûte 20$ pour la paire. Je crois qu'on avait dit « paire » tantôt. Ensuite, c'est un four... pour faire cuire des biscuits qui ressemblent un petit peu à ce que Keurig fait avec ses K-Cups. Ça s'appelle okay. Le chip. Mm. On avait déjà parlé par le passé de pita, je crois, dans une machine comme ça. Il y avait, c'était-tu de l'alcool, des soupes oui. En genre de Keurig. Donc maintenant, pour faire des biscuits en dehors de 10 minutes, chip, C-H-I-P, c'est un four qui va sur votre table ou peu importe, votre comptoir. Ça coûte 100$ et ça vient avec des pods. Mais en fait, il faut que tu achètes des pods à part de pâte à biscuits. En 10 minutes ou moins, vous allez avoir donc un biscuit qui vaut entre 88 cents et 2,25$, dépendant de la variété et de l'abonnement que vous prenez. Si vous prenez un abonnement plus long, les prix sont plus sont réduits, bien sûr. Sinon, ben comme l'article dit, vous pouvez juste manger votre pâte à biscuits ou faire des biscuits Pillsbury. Mais bon, pourquoi pas des biscuits, c'est le fun. Moi, j'aime bien les biscuits. J'aime les biscuits mous particulièrement. Je sais pas si ces biscuits-là sont mous, ça le précise pas. Ça précise absolument rien. Puis je te dirais que dans l'annonce, dans le vidéo Kickstarter, ça a même pas l'air d'avoir cuit. C'est sûrement un montage After Effects Photoshop. Peut-être. Ça s'appelle Chip, le Smart Cookie Oven. C'est une campagne Kickstarter, comme tu viens de le dire. Ensuite, tu sais, les petits globes terrestres, pas terrestres, mais genre les petites boules avec de la neige dedans que tu peux shaker. Bon. Mm-hmm. Aimerais-tu en avoir un avec ton image à l'intérieur? Une ben figurine oui. De toi, ce serait cool, hein? Très bonne idée. Donc, un snow globe mélangé avec un bubble head. Très beau cadeau. Imaginez la face de vos amis quand ils reçoivent ça en cadeau à Noël, dans leur bonne Noël. Vous pouvez utiliser une photo hystérique ou folle d'eux. Et peut-être avoir votre ami avec une drôle de face dans votre snow globe. Sinon, encore, peut-être envoyer une photo de Donald Trump pour le shaker un peu. Mm-hmm. Ici, on voit un gars en train de lire le journal sur une toilette avec un débouche-toilette à côté. Ça peut être n'importe quoi et ça coûte 100$ pour votre propre custom bubble snow globe. Ensuite, tu sais, les sacs Ziploc, c'est belle fun, mais on doit, si on veut les réutiliser, ça finit par soit sentir mauvais, pas être aussi, ça peut être taché de sauce à spaghetti. Je sais pas, des fois, ça peut être difficile à gérer. Donc maintenant, il y a des sacs Ziploc réutilisables complètement. Pour garder votre nourriture au frais sans faire mal à l'environnement, avec des sacs réutilisables à zip. C'est vrai? Disponibles, oui, en deux grandeurs, grandeur lunch size et format collation. Chacun avec, c'est approuvé par le Food and Drug Administration, c'est fait de PEVA, P-E-V-A, pareil comme les rideaux de douche, les protèges intérieurs de douche, P-E-V-A, on voit souvent ces initiales-là. Donc c'est à l'épreuve des fuites, et ça a une double fermeture pour être vraiment étanche, 20$ pour l'ensemble, pour l'ensemble, je crois que c'est pour un seul, non, en emballage de 5, voilà. Celui-là aussi, il y a comme... tu peux l'acheter juste snack pour 7,70$, lunch pour 10,99$ et l'ensemble de collations et repas pour 16,78$ en emballage de 5 chaque. Voilà. c'est sur Amazon.com. Et en plus, c'est envoyé de Amazon, donc j'imagine qu'on peut le shipper au Canada. Mais je suis pas logué dans mon compte, fait que c'est ça. Ensuite, c'est un jeu de table. On adore les jeux de table. Je crois que tu joues souvent à des jeux de table en famille. Une des heures de plaisir. Oui. Chaque semaine. À chaque semaine. Des cards against humanity. Je sais que ça vraiment, c'est bizarre. Ouais, Tadan qui. Ouais, mettons au courant les gens qui écoutaient les palmarès Sifu hier. Je disais que Talia était pas là parce qu'elle se faisait enlever une dent. Finalement, ça l'est pas fait enlever. Non, exactement. Ouais. En fait, c'est une infection dentaire qui s'est développée. Alors, je suis trop enflée et trop infectée pour pouvoir me faire enlever la dent cette semaine. Alors. Antibiotiques jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à la semaine prochaine, en fait. Mercredi prochain, tout devrait revenir à la normale. Tu devrais revenir à la normale ou tu vas t'en faire enlever aussi après, non? Je me la fais enlever mercredi, en fait. Okay. Donc, j'ai des antibiotiques jusqu'à mercredi prochain. Et mercredi, on arrache tout ça. Donc, encore pas de. En plus, avec Tania Baudin la semaine prochaine. Peut-être plus cette semaine. Cette semaine? Ouais. On verra. On vérifie ça au courant de la journée. Je vais vous tenir au courant sur Facebook. Ouais. Donc, on parlait de jeux de table. Peut-être pourrais-tu, si ta famille était anglophone, après le Cards Against Humanity ou c'est quoi l'autre? Le stupide jeu, ouais, c'est ça? Le stupide jeu. Je le censure pour la radio. Oui, évidemment. Pour les petits-enfants qui écoutent. T'as raison, le Mathieu. Stupide jeu. Ils sont pas à l'école, eux autres? Ouais, tu sais. De nos jours, hein. Ils sont tout le temps en congé. Ouais. École à la maison. Ça s'appelle Thunderdome. C'est un jeu de cartes avec des jeux de mots. Ah, cool! Si vous aimez le principe de Cards Against Humanity et les jeux de mots, vous allez adorer Thunderdome. Après avoir tiré deux cartes, comme, mettons, couleur et blessure mineure, les joueurs vont avoir 90 secondes pour trouver autant de jeux de mots style mononcle que possible pour 13$. Malade! C'est basé sur un jeu devant public renommé qui s'appelait Thunderdome aussi, en fait, qui s'appelle encore comme ça. Donc, c'est Puntastic, Puns of Funs, Phenomenal et plein d'autres jeux de mots avec Pun. Ça a l'air vraiment fantastique. J'aimerais ça jouer à ça. C'est très cool. Il y a aussi y a un autre jeu à parler. Montadine, je l'ai pas. Faudrait que je le retrouve. Ah, c'est quoi? Tu sais, ceux qui font Cyanide and Happiness, c'est des petits bonhommes, genre en bonhomme allumette sur Internet. C'est une bande dessinée super, super le fun. T'as sûrement déjà vu passer ces bandes dessinées-là en bonhomme allumette. Oui, clairement. Ils ont un jeu de société. Mais non, qui est vraiment cool, qui est vraiment fun. Faut que je le trouve. C'est vrai? Ouais, c'est vraiment le fun. Explosum. Je vais prendre le temps de le chercher. C'est Joking Hazard. C'est sur Kickstarter. C'est le même principe que la bande dessinée, mais les panneaux individuellement sont des cartes. Et tu dois faire une bande dessinée en trois panneaux. Okay. Avec différents panneaux qui sont tous similaires, donc ils peuvent tous fitter ensemble. Pour vrai? Joking Hazard, comme jeu de mots avec Choking Hazard, comme danger d'étouffement. Oui. Ça vient des créateurs de Cyanide and Happiness, donc allez voir ça sur Kickstarter. Et 3,246,000 $ et plus ont été ramassés pour ça. Vous pouvez l'acheter. Joking Hazard. Voilà. C'est vraiment cool. Continuons avec une bague. Ça s'appelle l'Encode Ring, qui prend votre voix et fait une bague avec. Donc, dans le chemin de ta voix, pour ceux qui ont déjà travaillé le son, ou même la vidéo, des fois, vous avez le son qui l'accompagne, votre voix ou les sons sont représentés par une wave, une onde, si on veut, plus haute, plus faible. Donc, c'est la visualisation d'un son sur l'ordinateur. Tu peux dire quelque chose comme « I love you » et voir la vague, la wave que ça fait, des monts et vallées, si on veut. Maintenant, il y a une compagnie qui s'appelle Encore Ring qui prend cette wave-là et fait une bague avec. C'est vraiment beau. Oui, donc quand tu visites le site web de la compagnie, on va te demander d'enregistrer un message de 3 secondes qui vont te montrer, te faire visualiser. Et ensuite, tu peux convertir ça en modèle 3D et acheter une bague. Tu as juste à choisir le type de métal que tu veux, sélectionner la grandeur de la taille de la bague. Pour environ 125 $ américains pour une bague en stainless steel, en acier inoxydable. Et ça monte jusqu'à 1235 $ américains pour une bague platine. Ça ressemble au Sound Advice Project, dont on avait parlé dans la même chronique en 2009, qui avait été un grand succès. Donc maintenant, c'est Encore Ring. Si ça vous intéresse, allez voir Encore... L'article fait référence à Encore, mais leur site web, c'est Encode Ring. Oh, d'accord. Donc E-N-C-O-D-E, R-I-N-G. Faites attention, en code. Voilà. Ensuite, si vous manquez de place dans votre appartement, oui. Vous pourriez remplacer votre lit par un lit qui est un petit peu décapotable. Comment il fait pour monter dans son lit? Ben, dans le fond, je vous explique, OK? C'est pas la question, Tania. Ben non, mais je vais l'expliquer. La base de lit devient comme un genre de petite pièce à elle-même avec des bureaux, tiroirs, tablettes, etc., etc. Mm-hmm. Et il y a un petit, comment dire, une bordure tout autour du lit. Oui. Et tu peux lever le matelas et la base avec des lattes, OK? Et il y a une penture, donc tu lèves le matelas sur le mur, un peu comme un lit escamotable traditionnel que tu mets contre le mur puis que tu fais juste descendre. Mm-hmm. Ça le met contre le mur et tu peux l'accrocher. Et là, faire tes affaires, tu rentres dans le compartiment où tu as tes tiroirs, tes valises, etc. Et quand tu es prêt à dormir, tu viens escamoter le toit décapotable vers la base. Oh. Et là, tu peux monter sur ton lit sur le côté où la porte est fermée. Donc, d'un côté, il y a des tablettes avec des rangements. Les deux autres côtés sont contre le mur, donc il n'y a rien. Et le quatrième côté, c'est une porte avec une penture que tu peux ouvrir. C'est un peu difficile à expliquer parce que, bon, c'est visuel comme concept, là. Mais imaginez-vous un cube avec quatre côtés, plus en haut le lit et en bas un plancher. Ouais. Ça coûte 945$, ça s'appelle américain bien sûr, ça s'appelle le Space Up Bed and Storage System. Une façon pratique de garder votre chambre bien propre et profiter le plus possible de votre espace. Voilà. Donc le lit qui se soulève pour révéler du rangement en dessous. On va terminer bientôt avec ça, donc continuons avec les crayons de cire que vos enfants, neveux, nièces utilisent, peu importe. Des fois, ils se rendent jusqu'au bout, puis à un moment donné, ils arrêtent de s'en servir parce que c'est rendu trop petit. Bon. Donc, ça s'appelle le Crayon Pro. OK. Le Crayon Pro de Elmer, la compagnie de colle et autres. Oui. Donc, c'est un aiguise-crayon électrique. Donc le Crayon Pro, c'est un aiguiseur électrique fait spécifiquement pour restaurer vos crayons de cire à leur gloire d'origine. Donc il y a une base à succion que tu mets sur le bureau, peu importe, et un mécanisme breveté qui va aiguiser les crayons standards et trimer la couverture de papier autour. Tu sais, quand t'enlèves le petit papier pour réussir à faire un crayon avec, et ça va temporairement aiguiser votre crayon pour pouvoir utiliser le dernier petit bout. Ah, c'est cool! C'est sur Amazon ou sinon sur Classroom Direct pour 49,67$ américains. On peut en lire plus sur exacto.com, xacto.com. Et ça devrait être en magasin, en stock, avant les fêtes. Nice! Vraiment une bonne idée. Donc, le Crayon Pro de Elmer's pour aiguiser vos crayons de cire. Voilà, c'est tout pour la chronique « Sexy, ça ne devrait pas, on l'a pour aujourd'hui ». On fait ça habituellement les mercredis, donc on est pas mal là. Ça faisait 2 semaines qu'on le faisait pas de suite parce qu'on avait trop de stock. Trop d'invités. Ouais, nous voilà de retour avec ça. Espérons pouvoir le faire une fois par semaine pour le reste de la session. Maintenant, on va transitionner très subtilement, comme on aime le faire. Comme ça, là. C'est rare qu'on met pas de musique entre deux. On va faire... Oh, est-ce qu'on fait des Radio-Canada nous-mêmes? On peut faire ça. Oh, c'est beau. Sébastien Vigartin, à au retour. Sébastien Viartin vient de nous dire que pour le temps qu'il reste, on peut skipper son intro. Ah. On aurait sauvé un bon, je crois que c'est 7 secondes. Mmh. 14 secondes qu'on aurait sauvé si on n'avait pas joué son intro. Ça aurait vraiment valu la peine. Fallait absolument que tu me prennes à témoin devant tout le monde. Est-ce que tu me connais? Mathieu Planté, mon nom. Je révèle tout en onde. Voilà. C'est comme c'est comme le WikiLeaks de la radio. Mathieu Planté dit tout en onde. Bref, bonjour Sébastien Vigard. Comme WikiLeaks, t'en dis un peu trop en onde. Arrête aussi. Donc. Voilà. C'est tellement de la bonne radio. Donc Sébastien Vigard qui est là pour un petit genre de 15 minutes à peine. Sinon plus, si on dépasse, on verra le temps que t'as aujourd'hui. Ouais, ben c'est ça. Ça va. Ben, de toute façon, il y a une programmation aussi. Oui, après... mais seulement 10 heures. Ah, OK. Bon, exact. Ben, okay. Donc on a le temps de... Donc Sébastien qui est là en cette fin d'émission pour parler un petit peu de politique. Oui, parce que j'ai dit ça me rassure, mais c'est pas tout ce qui se passe dans cette ici qui me rassure. Pas tant rassurant. Hein, si vous savez pas de quoi je parle, ben Trump est président des États-Unis. Ben, voyons donc, on va dire arrête-moi ça. Hein? Mais il y a personne qui a suivi ça hier, il y a personne qui a checké sur Google en se levant le matin et immédiatement retourné se coucher d'ailleurs. Tellement, ça finit tard hier apparemment. Tania me disait que le discours de défaite et le discours de victoire, ça a eu lieu pendant passé quoi, à 1h ou 2h du matin. Moi, je me suis couché à 1h du matin officiellement. J'ai abandonné à 1h du matin. J'ai abandonné bien avant ça. En se levant à 6h, pas le choix. C'est ça. D'abandonner éventuellement. Mais moi, ça finit tard. Moi aussi, c'était pas mal vers 6h là. Quand que ça... quand la Californie est rentrée, puis qu'il y a eu un petit boost du bord de Clinton, puis là, on s'entend, là, tu sais, là, pas toutes les gros fans de Clinton non plus, non. Là, mais tu sais, c'était comme le moins pire de deux pires, là. Le moins pire des hombres. Le moins pire des hombres. Puis là, il y a la Californie qui rentre. Puis là, pendant quelques minutes, on a eu de l'espoir. Non, on se disait, bon, moi, l'espoir qu'est-ce était là tout le long. J'avais vraiment l'espoir. Je me disais, c'était impossible. Parce que les médias disaient, c'est impossible qu'ils gagnent. Tous les médias. Ouais. Mais ben on ne peut plus faire confiance. D'ailleurs, une personne qui était drôle à suivre hier sur Facebook et Twitter, c'est Alain Vadeboncoeur. Alain Vadeboncoeur. Sa carrière principale étant urgentologue, en fait, qui commentait l'actualité plus sur les affaires, plus sur ce qui touche à la santé. Puis médecine. Il a écrit un livre, entre autres, qui s'appelle Les acteurs ne savent pas mourir, parce que lui, il a fait de l'urgence, il a fait aussi du soin palliatif. Puis en fait, il a fait toutes les units difficiles, là, il les a toutes faites. Ouais. Fait que, puis c'est ça, il était dans l'aide à mourir pendant un certain temps. Ben, justement, l'aide à mourir n'existait pas dans ce temps-là. Là, fait que c'était plutôt bourré de morphine pour. Mais bref. Pour moins souffrir. Fait que, ben, entre autres, c'est ça. Il a écrit un livre là-dessus, puis il a commenté dans l'actualité pendant longtemps dans le magazine L'actualité. Puis bref, c'est ça, hier, il s'en est donné un cœur joué sur Facebook. Il en a lâché une couple de pas pire, là. Fait que, mais t'as pas de citation à nous fournir, mais allez les voir. J'avais dans la tête, j'ai perdu mon idée, honnêtement. Moi aussi, je me suis couché très très tard hier. Puis, on était tous pas mal dans le même bateau. Je pense qu'au Canada, ça devait être assez pas mal le consensus que personne voulait voir. Il y a des sites internet, des pages Facebook qui avaient mis des GoPros sur la ligne entre les États-Unis puis le Canada pour voir s'il y avait des gens qui allaient venir. Des migrants. Ouais, vraiment. Je ne sais plus quel. Il y a un journal, au moins un journal sérieux qui a fait ça. Je me demande. C'est McLean, je pense. C'est McLean, ouais, qui a fait ça. Ouais. C'est pas des blagues, c'est pas des blagues, c'était live pendant toute la soirée. Là. Ce matin, en me levant, la première chose que j'ai vue, c'était une publicité du clan Panton qui offre, je crois que c'est 10% de rabais aux Américains qui veulent déménager au Canada. C'est vrai. Wow. C'est drôle. C'est très drôle. Mais ça, on s'entend que c'est quelque chose qui a été très exagéré. Là. Je veux dire, oui, il y en a plein qui sont découragés, qui sont allés voir, mais. On s'entend. Hier, on en a ri pas mal, là, mais il n'y aura pas une exode des Américains non. vers le Canada. Il y a plein d'acteurs ou de commentateurs ou de personnalités télévisuelles qui ont promis de déménager au Canada si Trump gagnait. Donc, je pense qu'on parle de Al Sharpton, Raven Simone de Phénomène Raven, qui a promis ça. Miley Cyrus. Ouais, Whoopi Goldberg, je crois. Ouais. Plein d'autres. Whoopi Goldberg, elle n'était pas déjà canadienne, justement? De déménager ici. Ouais. Ouais. En tout cas. Mais ouais, elle est aux États-Unis, elle vit là-bas. C'est ça, effectivement, okay. Elle déménagerait, mais c'est ça, il me semblait que Whoopi Goldberg était canadienne à la base. Mais bref, c'est pas pour parler de Whoopi Goldberg qu'on est là. C'est ça, bref, on s'en est. Je disais ça, entre autres, je parlais d'Alain Vadeboncoeur parce qu'il y a carrément été un moment où c'était, lui-même il était un trend sur Twitter, là, tellement qu'il en postait des. Il y en a vraiment lâché des pas si peu, mais honnêtement, j'ai pas. Pour ceux qui nous écoutent d'habitude, normalement, je passe 2 heures plus tôt. Là. C'est ça. À matin, c'est une matinée de même. Et je pense que ta chronique, si elle avait à être préparée pour ça, c'était un peu imprévisible à préparer. Ben, c'est ça. Mais ce qu'on sait, les faits, mettons, on a des faits. Whoopi Goldberg est née à New York. Okay. Ça, c'est un fait. Bon, parfait. Les faits. On va se cadrer un peu plus sérieusement deux secondes. Éthique journalistique. Bon. C'est ça. Ouais, c'est ça. On est bouche bée. On a de la misère, c'est ça. On a de la difficulté. Mais on est quand même, on est plus cohérent que Patrice Roy. Effectivement. Ah, il y a de la misère hier. Il y a toujours de la misère. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait à la TV? Ouais. Harry. Mais hier, en particulier, il suivait pas. C'est ça. Il suivait pas partout. D'ailleurs, parlant de ça, Pauline Marois. Hein? À RDI hier. Hein? Oui. Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer ça? J'ai pas écouté RDI, j'ai non. Pour? Pauline Marois était là à commenter avec d'autres commentateurs. Ah, ok. Commentatrice, genre permanente pour l'émission d'élection spéciale. Ah, ouais. Ouais. Wow. C'est Pauline Marois. Spéciale? Ouais. Ben. Ça fait comme un an qu'on y a pas vu à la bête. Exactement. Elle a accepté l'invitation, faut croire. J'imagine. Je veux dire, c'est peut-être la seule qui était disponible. Honnêtement, c'est pas de. Qu'est-ce que ça dit? C'est peut-être la seule qui était disponible. Peut-être, oui, c'est ça. Je veux dire, être à sa place à elle, oui. Ben oui, t'es pour elle. Mais moi, c'est la logique du recherchiste ou de la recherchiste qui l'a appelé que je me dis, ben, probablement Clinton va être élu. C'est la première femme première ministre du Québec. C'est pertinent. Okay. C'est sûr, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'était une femme avec une autre. Ben oui, il ressemble, mon Dieu. Les cheveux. Il était peigné pareil hier. C'est bien. Hey, as-tu vu Clinton? Je sais pas comment ils font. Pour les cheveux, c'est comme un casque en arrière. Sprinette. Ils rentrent vers l'intérieur comme. Ouais? Comme une craque de, c'est comme une craque de cheveux, mais en arrière de la tête. Clinton, c'est bizarre. C'est beaucoup de sprinette probablement. Ouais. C'est vrai que ça a l'air assez rigide. Tu peignes d'un bord, tu peignes de l'autre, mais ça fait bien. Ouais. Bref, de toute façon, l'apparence importe peu, parce que si on veut rire, non, l'apparence d'un des deux, je veux dire, tant qu'à moi, c'est bien plus. Oui, un épi de blédine. La famille à Donald Trump a fait changer les cheveux à Donald Trump dans la dernière semaine, apparemment. Ah? Et ça a été dit partout hier, un petit peu partout. Je pense, je sais pas si c'est sur RDI, LCN, puis CNN aussi. Il parlait du fait que les cheveux à Donald Trump étaient beaucoup plus blonds qu'orangés maintenant. Vrai. Et ils lui ont fait couper le toupette. Arrête! Pour qu'il arrête. Oui! Pour vrai? Je te jure. Hein? Ils ont aussi interdit de toucher à son Twitter dans le dernier oui, j'espère. Vrai, hein. Moi, j'ai beaucoup... Mais à ce temps, il y a les codes pour lancer les missiles nucléaires. Ouais, il va avoir le Twitter de POTUS. Ben, avez-vous vu le commentaire de Barack Obama, d'ailleurs, qui parlait du fait que si on a de la difficulté à gérer un Twitter, comment est-ce qu'on va être capable de gérer les codes nucléaires d'un pays maintenant? Vraiment, hein? J'ai adoré ce Twitter-là. Ouais. C'est parfait. J'essaie pour vrai, je cherche la coupe de cheveux de Donald Trump pendant vous parler. Ça n'a aucun sens. Bon, okay. Comme je disais, on voulait revenir un peu plus sérieux deux secondes. Ce qui est sérieux, en fait, c'est pas tant le fait que Donald Trump ait été élu, parce que, bon, normalement, les États-Unis, c'est le pays des contre-pouvoirs, c'est-à-dire qu'ils ont la Chambre des représentants aussi, puis ils ont le Sénat qui modère les ardeurs du président. La Chambre des représentants... À droite. Ouais. C'est que la Chambre des représentants, ça aurait été surprenant, parce que tout le long du règne Obama, les deux chambres ont été républicaines. Mm-hmm. C'est une des raisons pourquoi Obama n'a pas pu faire la moitié des affaires qu'il c'est avait ça. Promises, parce qu'il se faisait bloquer à tout ce qu'il faisait. Puis après ça, les républicains disent qu'il n'a rien fait pendant ces 8 ans. C'est ça. Mais oui, évidemment. Ouais. Fait que, parce que c'est sûr, les républicains le bloquaient sur tout ce qu'il faisait. Donc là, la Chambre des représentants, ça regardait pour que ça reste républicain, mm-hmm. mais les démocrates... excusez. Le Sénat, ça regardait par contre pour que peut-être qu'il y ait une victoire démocrate. Parce que ça, c'était voté en même temps. Oui. Oui, ils ont beaucoup de votes à faire là, sur différentes lois. Ouais, là, on a passé le pot en Californie. Nous autres, au Québec puis au Canada, un bulletin de vote, c'est une petite feuille 4 pouces par 4 pouces. Oui. Aux États-Unis, c'est un document de plusieurs pages. Et dépendant de l'État, c'est soit tu fais des trous, tu fais par ordinateur, donc c'est scalé dans un ordi après, puis il y a tellement de façons de voter, c'est ridicule. Oui, effectivement. On est vraiment rire, un paquet de problèmes d'ailleurs. Mais en tout cas. Bref. Puis là, le trouble, c'est qu'en plus du fait que Trump a été élu, la Chambre des représentants est républicaine et les démocrates ont même réussi à perdre le Sénat. Ouais. Ils peuvent littéralement, je pense. Fait que c'est rouge all the way, c'est républicain all the way. Ouais. L'affaire, le contre-pouvoir, puis ça, c'est un peu inattendu. Le contre-pouvoir qui commence à peut-être sortir, c'est en fait le Parti républicain lui-même. Il y a certaines factions du Parti républicain qui veulent demander un impeachment à Trump. Ouais, on parlait de ça avant qu'il soit élu. Depuis les dernières années, on parle d'impeachment... À toutes les sauces, mais... Et là, on parlait d'impeachment pour Hillary Clinton avant qu'elle soit présidente. Ça va être la même chose du côté de Trump. Mais c'est que la même gang parlait de faire un impeachment pour Trump. C'est parce que pour Clinton, elle a été lavée de ce qui aurait pu créer un impeachment. Exact. Donc, impeachment, pour ceux qui se rappellent pas trop du terme ou qui l'ont entendu en français, qui ça porte un autre nom bizarre, j'imagine, c'est d'essayer de destituer... En fait, c'est exactement le mot, c'est une destitution. Ah ben, tu vois, je suis hâte. Mais c'est ça. Ben, en fait, si je me rappelle bien, dans l'histoire récente américaine, c'est Bill Clinton, exactement. En fait, ouais. Pour l'histoire de l'affaire Monica Lewinsky. Il a complété son terme quand même. Ouais, finalement, c'est vrai. C'est ça, je ne me rappelle plus, mais la démarche avait été faite en tout cas. Ouais, exact. Ça, c'est le genre d'affaire qu'il faudrait que je revérifie parce que, bref, c'est ça, ma préparation aujourd'hui. Je m'excuse, cher public. Dernière minute, là, on n'est pas Radio-Canada avec des recherchistes à la tonne. Exactement. Hein? Fait que. Donc, c'est ça, il y a eu ça, ça pourrait être un genre de contre-pouvoir, c'est-à-dire que le parti, ils disent, regarde, calme-toi, parce qu'on va peut-être, va peut-être ne plus te supporter éventuellement. Parce que même s'il y avait un impeachment, en tant que tel, le public américain a quand même voté pour lui, donc il y a quand même... Mais en fait, c'est que le parti républicain pourrait décider de ne pas appuyer ses politiques à lui, donc faire à peu près ce qu'ils ont fait à Obama tout le long de son règne. Ouais, ouais. Ce qui pourrait rendre la vie de Trump beaucoup plus compliquée et quand même faire notre affaire. Ouais, parce qu'en tant que tel, il n'y a rien qui force le Sénat et le Congrès à agir comme le président le veut. Ils sont pas obligés, ils sont pas obligés de suivre la ligne de parti. Il y a une ligne de parti pour les sénateurs républicains, puis il y a une ligne de parti pour les représentants républicains, puis c'est pas les mêmes personnes. Là. Non. Que, et c'est le c'est la même d'être. Immense organisation, mais ouais. c'est des sous-comités des sous-comités, ouais. Des sections de la même grosse organisation, mais je veux dire, ils décideront pas, ils agissent différemment, c'est des caucus différents puis tout. Ouais. Fait que, tu sais, bon, là, hier, on a bien ri avec des jokes de fin du monde puis tout ça, mais on s'entend, là, le monde ne finit pas aujourd'hui, puis avant... Exact. On dit qu'il y a le doigt sur les missiles nucléaires américains, mais on s'entend-tu qu'il peut quand même pas les garrocher sans, arbitrairement, non, même ça, jour au lendemain, ouais, non ça. Plus. Là. Il y a une question d'approbation de quelqu'un dans l'armée militaire et un paquet de facteurs qu'il faut considérer là-dedans. Okay. C'est pas instantané en dessous de son bureau, c'est pas comme dans un dépanneur. C'est ça. C'est quand même, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui y a des clés à tourner, pas un paquet d'affaires. Là. Mais reste qu'il y avait un article dans, je me rappelle pas quel média c'était ce matin, mais bref, qui faisait la liste Global, genre, réseau de télé, qui faisait la liste point par point de tout ce qui allait affecter le Canada, genre que ce soit la finance, l'immigration et tout ça, puis il y avait pas mal de facteurs qui pourraient quand même être dangereux, mais il faut relativiser un peu les choses. Ce qui est le gros danger pour nous autres, premièrement, c'est ça qui est drôle, c'est que c'est moins stressant de la part de Trump que de la part de Clinton, en fait. Mais c'est que c'est les guerres arbitraires à la George Bush. Mm-hmm. Ouais, c'est ça qui est dangereux. D'émotion, un peu, genre. Ouais, guerre d'émotion. Ouais. En fait, c'est que c'est jamais rien qu'une guerre d'émotion. Il y a tout le temps des intérêts particuliers derrière ça. Ça, c'est ce qui est notre gros danger. Est-ce que Justin Trudeau va être capable de dire non comme Jean Chrétien avait fait en 2003 pour la guerre en Irak? Mm. Ça, c'est à voir. Je pense que Trudeau, à date, est quand même capable de tenir son bout, mais on verra. Ça va être un test pour lui, d'ailleurs. Ça, c'est une première chose à regarder. L'autre chose, c'est ça, côté financier. Là, je parlerai pas parce que ça me demande de la préparation parce que je suis pas un spécialiste. Ouais. Mais effectivement, ça peut jouer. Je sais que généralement, Trump a fait campagne sur le fait de devenir extrêmement protectionniste. Mm-hmm. Paradoxalement, là encore, ça peut être bon pour nous autres parce que ça veut dire qu'il va peut-être essayer de foutre la chenoute dans les... foutre la chenoute. Hashtag foutre la chenoute. Oh, j'ai gagné le hashtag de l'émission. Yeah! Mais ouais, c'est ça. Il va peut-être aller faire son... arriver comme un chien dans un jeu de quilles dans les négociations pour les traités de libre-échange, ce qui... là, tout le monde va nous dire pour l'économie canadienne, c'est mauvais, puis tout ça, mais en fait, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être une bonne chose. Parce qu'en mettant des délais de tout ça, ça a été dit à plusieurs reprises que, présentement, les Nord-Américains ont négocié quasiment contre notre intérêt, présentement, dans ces affaires-là. Entre autres, on donne trop de pouvoir aux entreprises avec ça. Une entreprise à cette heure va pouvoir poursuivre avec certains traités de libre-échange. Là. Il y a celui du Transpacifique, entre autres. Les entreprises privées vont pouvoir poursuivre les gouvernements s'ils font des lois qu'ils n'aiment pas. Ce qui est comme... Ça nous enlève du pouvoir démocratique. Puis c'est monsieur, madame, tout le monde qui est perdant. Il y a l'autre chose. Fait que ça, retarder ça serait pas pire. Ça a même été dit qu'il y a certains ministres chinois qui étaient chinois et japonais, je pense. Ah, excuse-moi, selon le Doc Mayou, il faut dire Shintok. Ouais. 2016. Ouais, c'est ça, Doc Mayou. Faut dire ça, apparemment. Fais plus jamais allusion au Doc Mayou. Non. Excuse-moi, mais ça m'a tellement outré que j'avais pas envie d'en parler. Hein? Ah, t'as bien fait. Ça arrive. Mais ouais. 2016. Je suis plus sûr si c'était les Chinois ou les Japonais, mais il y en a qui ont carrément dit comme « Réveillez-vous, Canadiens, vous êtes en train de vous nous en donner trop, là. C'est ridicule, vous en donnez plus que ce qu'on demande. » Fait que, bon. Fait que ça va peut-être ralentir un peu certaines choses là-dessus. C'est sûr que, bon, les États-Unis, c'est quand même notre plus gros partenaire commercial, ce qui fait que si du jour au lendemain, les États-Unis décident de ne plus acheter Canadien du tout, on va peut-être manger à la claque aussi. Ben, t'as vu ce que Justin a dit, cette citation était particulièrement lèche-pote. Ouais. Surtout considérant qu'il y a une semaine, il donnait son appui inconditionnel à Hillary Clinton puis tout, puis finalement, il a donc hâte de travailler avec Trump. Très, très hâte. Mais bon, tu sais, t'as probablement le choix. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que t'as pas le choix. Puis on s'entend, le Trump, la personnalité du gars, on le connaît, c'est un peu un gros narcissique. Fait que si tu le flattes dans le bon sens du poil, il va t'aimer. Ouais. Fait que. À la Chris Christie et autres. Ouais. Fait que, ben, tu sais, je veux pas, c'est en politique comme ça, je veux pas, ça, c'est les gros égos. Hein, ouais. On s'en cachera pas. Donc, c'est ça. Je sais qu'il y a l'accord pour le bois d'œuvre, entre autres, que ça a tout le temps été une épine dans le pied des relations canado-américaines. fait qu'on va peut-être se faire rentrer dedans un peu là-dessus. Mm-hmm. Par rapport à l'environnement aussi, on dit... L'environnement, j'ai c'est passé, j'ai passé l'article de, de Global sur la page Facebook, juste à côté de, des princesses de Disney, pour vraiment comme avoir un contrepoids, si on veut. Donc, sécurité, défense, tu disais l'économie, les échanges... Ouais, c'est les relations internationales. Il y a les relations internationales. En fait, ce qui risque d'arriver, c'est que Trump va juste arrêter de faire des relations internationales. C'est ce qui, c'est ce que ça regarde en tout cas. Parce que, puis je veux dire, c'est un peu le discours qu'il y avait en campagne. C'était, on est le plus meilleur pays du monde. On n'a pas besoin des autres. Ouais. Fait que, et seulement moi peux régler les problèmes. Puis on va se le dire, le mur du Mexique, là, pas grand chance d'arriver. Non. Bye. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de milliards que ça pourrait coûter de faire ça. Puis c'est parce que la plupart des immigrants, de toute façon, même les immigrants non documentés, là, qui est le terme poli pour dire les immigrants illégaux, là, mais c'est parce que des immigrants non documentés, je veux dire, ils font en tant que tels pas grand-chose d'illégal rentrant là, ils sont juste pas légaux, genre en tant que statut de citoyen. Mais la plupart arrivent par avion, en fait, c'est ça qu'on a tendance à oublier. Ou c'est des traversées du désert. Fait que là, oui, son mur, effectivement, bloquerait une coupe, mais la plupart passent par les douanes normales. C'est juste qu'ils sont supposés de rester juste pour un certain temps, puis bien, ils restent dépassés ce temps-là. C'est pareil, un peu comme Melania Trump, qui a travaillé pendant plusieurs années en tant que. Ou en tout cas, au moins 10 contrats illégalement aux États-Unis. Ah, bon, ben, tu vois, c'est ça. C'est ça. C'est ça, les babines ne suivent pas les bottes semaines. Ben, c'est ça, c'est comme on dit sur Facebook, hein, comment expliquer à ses enfants que c'est correct d'être misogyne, raciste. Exact. Et tout. Ouais, comment expliquer ça? Ouais. Ça va être ça. Parce que le président américain. On a 4 ans pour trouver la solution. Ouais. Les grandes explications. Ouais. La bonne nouvelle en même temps, c'est que déjà à l'âge qu'il y a Donald Trump, probablement qu'il ne se représentera pas. Ouais, c'est ça, espérons. Il va accomplir ce qu'il a à accomplir, c'est-à-dire. Foutre la chenoute, hashtag. Fait que l'élection 2020, ça risque d'être Kanye West contre. je sais pas qui. Oui. Taylor Swift. Ouais, c'est ça. J'ai vu. Taylor Swift est clairement une républicaine en plus. Ouais, monde country, là, d'habitude. Attends un peu. Maudit Facebook, on peut jamais revoir ce qu'on vient tout juste de voir il y a 2 secondes. Attends un peu, je vais devoir chercher un peu. C'est notre gentil collègue David Ferron qui vient d'écrire. Et cette fois-ci, il l'a pas encore retiré. Oh. Il fait ça, il retire ses statuts. Ben oui, il se sentait il mal. Il fait des bons statuts, bien sûr. Elizabeth Warren et Bernie Sanders, je veux vous voir en santé dans 4 ans. Très bon point. Très bon. Ouais, Bernie Sanders aussi commence à plus être jeune, là, mais. Il est en haut de 70 aussi, hein. Ouais, c'est ouais. Ça. C'est. Elizabeth Warren, moi, c'est, honnêtement, c'est mon gros espoir pour la suite des choses. Là. Ben, d'habitude, les Américains sont comme ça, sont jamais contents. Ils veulent tout le temps changer. Tout le temps changer pour changer. Fait que là, ben, ils ont changé de Bush à Obama. Ils changent de Obama à Trump et ils vont peut-être voir. Ils vont peut-être revenir vers les progressistes la prochaine fois. C'est un roulement et l'histoire s'arrête à être, comme on dit. C'est ça. Que t'en prends pas de tes erreurs, tu sais. History, doom itself, de whatever. T'sais. Ouais. Mais ben en même temps, si tu fais tout le temps le même cycle, t'apprends-tu vraiment de tes erreurs? C'est ça. Penserais pas. Puis c'est ça pour un autre truc aussi. On a une belle preuve. En fait, je pense qu'il y a du côté du Parti démocrate, il y a un coup. Parce que là, on parle de Trump, on parle de. Il y a bien du monde aussi qui était bien très très prompt à critiquer les Américains en général d'avoir voté pour ça. Ouais. Mais en même temps, tu regardes la campagne qui a été faite, puis tu te dis, les démocrates ont un gros fail sur les bras, tu sais. Premièrement, la campagne de Clinton était pas autant sa coche qu'elle aurait pu. Ça a toujours été une campagne. Depuis qu'elle a gagné les primaires, Clinton a agi comme si le poste y appartenait déjà. Tout à fait d'accord. Hier, alors, t'as vu l'endroit qu'ils ont choisi pour faire le discours de victoire potentiel de Hillary Clinton avec un toit en vitre pour dire qu'elle brisait le toit de vitre, le plafond de vitre, de verre. La ceiling, ouais, c'est ça. C'était assez évident que c'était, symbolique de c'était ça. Symbolique. En même temps, tu hope for the best, prepare for the worst. Là. Exactement. Mais l'autre affaire aussi, c'est que, ben, on l'a dit longtemps pendant les primaires, Bernie Sanders avait beaucoup plus de chances de battre. Tous les sondages le disaient, ouais. C'est ça. Même si les sondages maintenant, de nos jours, on va se dire, ouais. Ouais, ça vaut ce que ça vaut. Ils ont prédit que le Brexit n'aurait pas lieu, puis ils ont prédit que ce serait. C'est ça. C'est ça. Mais bon, quand même, en disant que significativement, il y avait plus de chances. Ouais. Il y avait probablement plus de chances, puis il y a beaucoup de monde qui sont retournés, tu sais, des indécis qui étaient tannés du statu quo, qui sont allés dans qui auraient peut-être voté pour Sanders, parce qu'eux autres, c'était les élites le problème. Ouais, ouais, puis, c'était le deuxième choix pour les gens qui votaient Trump. Si Trump avait pas eu le poste, ils auraient probablement voté pour Sanders, mais là, c'est ça. Ça sert plus à rien. parce qu'on oublie ça, on se dit, bon, ok, Trump, c'est tout le temps l'extrême droite puis tout ça. Mais non, en fait, ce qui a fait sa victoire, c'est pas les convaincus d'extrême droite, les white supremacists puis tout ça, parce que c'est même pas une majorité. Mais ça, c'est des groupes minoritaires aux États-Unis. C'est marginal. C'est des marginaux qui ont une grande gueule. Ouais. C'est pas des c'est en fait les gens qui étaient tannés des élites. Ouais. C'est mm-hmm. exactement ça. Puis c'est bien triste que ça soit été lui qui a été le porteur de ça. Parce que malheureusement, ce que les gens oublient, c'est que malgré ses coups de gueule puis tout ça, c'est une élite. Je veux dire, Trump, c'est un milliardaire qui a jamais manqué de rien dans la vie. C'est un milliardaire, fils de milliardaire. Puis ouais. c'est bien plate, mais ça, ils vont être déçus de ça. Ce qui fait que probablement que les progressistes vont avoir le beau jeu en 2020. Là, mais en tout cas, on a quand même 4 ans à attendre après ça. Je sais plus du tout ce que je m'en allais avec ça. Je sais pas. Je sais pas. On peut revenir au fait qu'Atalia pense qu'il va se faire dessus la semaine prochaine. Ben moi, ouais, mais je pense que honnêtement, tu sais, c'est sûr que ça va être essayé. Là. Peut-être pas d'ici la semaine prochaine, mais c'est sûr que ça va être essayé au même point que John F. Kennedy s'est arrivé. Ouais. Ben remarque, que je me rappelle en 2008 quand qu'Obama a été élu, on avait vraiment fait un pool sur combien de temps que ça prendrait avant qu'il se passe. On a parlé tantôt avec Gabriel Béhoud dans la chronique de la Luitre. Je sais pas pourquoi on est venu à ça dans la chronique d'impro, mais bon, on a dit exactement la même chose. On pensait tous qu'Obama allait pas survivre ses 8 ans. Finalement, il va avoir passé probablement genre les meilleurs 8 ans de la politique d'histoire récente. Ouais. En tout cas, du 21e siècle à date. Ouais, c'est ça. Parce qu'avant lui, c'était Bush. Là, fait que... Ouais, c'est ça. Mais avant, c'était Clinton. Pas le même. Ouais. Mais l'histoire récente, pour moi, représente ma vie. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ça. Hein. Depuis qu'on a l'âge de regarder un peu ça. C'est ça. Mais quand même, t'sais, ça m'a surpris. J'ai pensé à ça hier pour la première fois. J'ai comme réalisé que quand j'ai commencé à C'est fou, c'était encore Bush qui était président. Ouais. Mm. Ouais. Quand je rentrais à l'université, moi aussi, c'était pas mal ça. We're old. Ouais. Ouais. Ouais. J'ai réalisé ça hier, puis je me suis endormi après. Ouais. Moi, ça a fini que pour faire une petite tranche de vie, hier, on était quelques-uns à suivre ça ensemble, puis on a tout fini par déboucher de la bière parce qu'on avait besoin de boire pour oublier. Exactement. D'ailleurs, très très drôle. En fait, j'étais avec mon co-animateur de la sortie de courte à votre gauche. Hashtag lundi 11h. En rediffusion, ça, non, demain à 4h. J'étais pas rendu là, dans la chronique. Anyway. c'est ça, j'étais chez lui, puis sa copine avait acheté une la bière La fin du monde. Ah, c'est drôle, ouais. De Unibrou, on trouvait ça bien drôle. J'avoue, on a bu de La fin du monde. Une bonne grosse pointe tendresse demain aurait été de La fin du monde. Oui. Ouais. Fait que je pense qu'on va dormir ce soir. C'est ça. Mais je pense que c'est tu sais, je sais que j'ai été un peu, je suis parti un peu de tous les côtés aujourd'hui là, parce que j'avais aucune forme de préparation, on va se le dire. Mais je pense qu'il faut quand même pas voir ça comme la fin du monde non plus là. Mais faut pas oublier le fait non plus que Trump était démocrate jusqu'à récemment. Ouais, mais ça en fait ça a été questionné. Ouais, c'est vrai, questionné. Il aurait fait des dons à certaines campagnes Clinton. Ben il aurait fait des dons à la campagne Clinton. Il était au mariage d'Hillary. Ouais. Moi, ce que j'ai vu la dernière fois qu'il a contribué, c'est qu'il avait donné de l'argent à Hillary quand elle se présentait contre Obama aux primaires. Ouais. Parce que apparemment qu'il y a un gros problème avec Obama personnellement lui. Ouais, je me demande c'est quoi. Hein? Je pense que c'est juste né ici. Des fois je me demande si c'est pas juste parce que c'est parce qu'Obama il est bon, en fait il est à moitié noir là, c'est un métis mm-hmm. Obama à base là, mais que c'est un noir qui était en situation de pouvoir puis que Trump il faisait un petit caca nerveux dans sa position d'homme blanc misogyne. Privilégié, ouais, exactement. Fait que moi j'ai l'impression que c'est la haine viscérale qu'il y avait d'Obama. C'était pas mal ça. Ça revient à... En même temps, c'est Obama qui l'avait trollé dans un roast Trump, puis qui a peut-être botté le derrière à Trump de se présenter en politique. Fait qu'en même temps, Obama a peut-être perdu une occasion de se la fermer une fois. Là. C'était le Comedy Central Roast of Donald Trump. Si vous voulez chercher ça sur YouTube, c'est un bien cuit avec des humoristes qui parlent contre Trump, puis Trump qui a l'air très mal à l'aise. J'allais dire que ça revient un petit peu à Facebook qui dit, tu sais, ceux qui croient pas au male privilege, il y en a qui croient pas à la culture du viol, la culture du consentement depuis hier. Pour moi. Ah, OK. Bon. On a déterminé ça à l'émission. Ah, ben oui. T'étais pas là, hein, t'as dit? Non. Mais c'est dorénavant ça. OK. Ben oui, c'est ça, en première page du Zone Campus. C'est, ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Que ceux qui croient pas au white privilege, regardez le fait que c'est correct, dans le fond, d'avoir présumément violer et toucher et parler en mal et objectifier. Mm-hmm. Mais le white privilege n'existe pas. C'est ça. Il est devenu président des États-Unis. C'est, bon, ben, bon. Y avait une, effectivement, il y avait un. En fait, c'était un screenshot de Twitter qui a circulé pas mal sur Facebook ce matin. Qui, c'était en gros, c'est. Après ça, dites-moi qu'une, comment est-ce que des accusations d'agression sexuelle puis de choses comme ça peuvent toucher la carrière d'un homme. Ah, c'est ça, exactement. C'était, ça, c'était mieux dit encore. Hein. Exact. Ouais. Je suis mauvais pour apporter des propos. Hein. Ouais. Ben là, moi-même, c'était pas très. Je l'avais pas sous les yeux. On s'entend que l'intention était là. Non, c'est ça. C'est ce que ça veut dire. Bref. Ouais, bref. C'est la décision qu'on a à se prendre maintenant, c'est de. Passer une chanson et revenir après. Ou quitter maintenant. Je pense qu'on prend une chanson, on revient après. Ça vous dérange pas? On s'en va entendre. Une pièce que Tania a choisie. Oui. C'est celle de nos amis. Les, est-ce que c'est des hip-hoppers, hein? Oui, oui, Mathieu. YG et Nipsey Hussle. Exactement. Je sais pas si tu savais, c'est un jeu de mots aussi. On a parlé de jeu de mots tantôt. Mais Nipsey Hussle est un jeu de mots par rapport à l'humoriste Nipsey Russell. Oh, je savais qui pas. Qui était dans l'équivalent de Atome Crochu Match Game dans les années 70. Hein? Donc, on les écoute avec une chanson qui porte un titre qu'on n'a pas besoin de dire parce qu'on va le dire dans la chanson. Exactement. Hein? Vous avez juste à écouter. C'est ça. Inquiétez-vous pas. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 10h, faut croire. Hein? Bip, bip, bip, bip, bip. On apprend à l'instant que Sébastien Vigartin doit s'en aller. Nous, on va remplir pour les 10 prochaines minutes quand même jusqu'à l'émission Compte à rebours. Merci, Sébastien. Je t'avais fermé ton micro, finalement. Ordinateur. Merci à vous. C'est pas subtil, c'est. Mais là, il va me dire, si je continue d'en parler, il va me dire arrête de parler de ces affaires en nombre. Tu vois, toi aussi, j'avais fermé ton micro, Tania, parce que t'étais pas supposé parler. T'sais. Mais je vais leur rallumer, mettons, dis donc quelque chose. Ouais, parce que c'est long avant que ça commence. Ouais, je sais. C'est pour ça qu'il faut remplir, puis que je choisis de remplir ça avec des détails pas pertinents. Exactement. C'est le genre de radio que j'écouterais, puis que je ferais comme « Wow, c'est vraiment cool ce que j'ai fait. » Ouais. Ben voyons, on commence cette chanson. Toi qui l'as choisi, moi. YG and Nipsey Hussle's video got shut down by cops for an anti-Trump song that's called Donald Trump. I think we got kicked out because we're a group of black people. And, like, I guess people, what's going on in America, they're afraid we're going to say something or do something. But we just really want to watch the rally. And to get kicked out because we're a group of black people is really crazy. It shows you how racist our own school is. We can't even go to our own school. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. I like white folks, but I don't like you. All the niggas in the hood wanna fight you. Surprise El Chapo ain't tried to snipe you. Surprise the Nation of Islam ain't tried to find you. Have a rally out LA, we gon' fuck it up. Home of the ride and the king ride, we don't give a fuck. Black students ejected from your rally, what? I'm ready to go right now, your racist ass did too much. I'm about to turn Black Panther. Don't let Donald Trump win, that nigga cancer. He too rich, he ain't got the answers. He can't make decisions for this country, he gon' crash us. No, we can't be a slave for him. He got me appreciating Obama way more. Hey, Donald, and everyone that follows, you gave us your reason to be president, but we hate you. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. I don't like your ass. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, I really don't like you, nigga. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. Nigga, am I trippin'? Let me know. I thought all that Donald Trump bullshit was a joke. Know what they say when rich niggas go broke. Look, Reagan sold coke. Obama sold hope. Donald Trump spent his trust fund money on the vote. I'm from a place where you probably can't go. Speaking for some people that you probably ain't know. There's pressure built up and it's probably gon' blow. And if we say go, then they probably gon' go. You vote Trump, then you probably on dope. And if you like me, then you probably ain't know. And if you been in jail, you could probably still vote. If we let this nigga win, we gon' probably feel broke. You build walls, we gon' probably dig holes. And if your ass do win, you gon' probably get smoked, fuck nigga. Fuck Donald Trump. Fuck you. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Yeah. Mark my words. Yeah. Hold up, I fuck with Mexicans. Got a plug with Mexicans. When a little need a switch, who I call Mexican. This Comedy Central ass nigga come be the president. Hold up, Nip, tell the world how you fuck with Mexicans. It wouldn't be the USA without Mexicans. And if it's time to team up, shit, let's begin. Black love, brown pride, and a sense again. White people feel the same as my next of kin. Let this nigga win, God bless the kids. God bless the kids, this nigga wicked and weird. When me and Nip link, that's Bloods and Crips. When your LA rally, we gon' crash your shit. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Yeah. YG et Nipsey Hussle avec FDT officiellement, mais oui. En parenthèse, fuck Donald Trump. Assemblage requis. Wow, ça finit bien, presque, hein, l'émission? Presque. Ouais, ouais. comme on dit, on finit à 10h aujourd'hui juste parce que ça nous tente. Émission spéciale, hein? Mm-hmm. Pas le choix. Dans quelques minutes, ça va être Compte à rebours avec Antoine Lamoureux. Après ça, dans la journée, ça n'arrêtera pas là quand même. À midi, Quoi être ensemble, l'émission pour tout savoir sur la périnatalité. À 13h, c'est Répond avec une chanson. Émission qui répond. Avec une chanson. Exactement. À 14h, c'est En piste avec Talia Baudin. Peut-être, on verra. Peut-être. À 15h, le Mathieu Planchon. Je vais être de retour pour parler de choses geeks, de télévision, de technologie, de médecine, de science. À 17h, ce sera Audiomatique, l'émission de musique électronique avec Jean-François Fecteau et Pierre Pinsonneau. Ensuite, à 19h, l'Obtrotter avec de la musique du monde. Ça, c'est David Ferron qui va vous présenter ça. J'ai entendu dire, tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui est une joke avec David Ferron, tu sais, parce qu'il met pas d'emoji après ses affaires, mais il dit ce soir à mon émission spéciale Mexique. C'est très drôle. Très drôle. À 20h, Radio Sonic, une émission de musique variée. Demain, on sera jeudi à l'émission, donc ça va être une grosse pointe d'adresse qu'on va faire en fin d'émission pour bien terminer ça. On va avoir la collègue de l'AGEQTR à 8h avec Alex Marchand. Ça, c'est le plan de demain entre 6h30 et 9h30. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Tu disais tantôt, Aaron, que tu avais remarqué quelque chose de particulier dans notre playlist d'aujourd'hui. Oui, c'est très drôle. En fait, il y a comme juste Disney qui clash dans tout ça. On a vraiment un canevas d'émissions assez remarquable aujourd'hui. Mettons qu'on est passé d'une extrême à une autre. Mettons. Un peu comme nos émotions. C'est le deuil, en fait. C'est vraiment l'étape du deuil. Les étapes du deuil. Exact. Voilà. Pour terminer l'émission, j'ai choisi une pièce de OK Go parce qu'il faut se dire que tout va finir par bien aller, tout va se passer. Tantôt, on a joué Just Fine, mm-hmm. Comme chanson. Tu parles comme moi. C'est ça. Cette est-ce que ça va mieux tailler tes dents? Ça va bien, là. On dirait que ça dégèle un petit peu. Ben, pas que ça dégèle, mais que mes médicaments sont à veille de devoir être renouvelés à cette heure-ci. On se quitte avec OK Go, This Too Shall Pass. À demain, 6h30. Bye bye. Bye.